Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien, bonsoir, chers RQC1, RQCN, vous êtes en direct de la radio RQC 95 FM dans l'émission 80 à l'heure, tous les mardis de 20h à 22h30. On espère que vous allez bien. Une émission sous le signe de l'élégance ce soir, parce que nous allons accueillir dans quelques instants, juste après la petite coupure musicale, comme dirait TF1, le comité de Miss Eno. Voilà, sous vos applaudissements, j'entends rien dans mon casque, c'est pas grave. Alors je vous explique, chers auditeurs, c'est que j'entends rien dans mon casque, donc j'ai l'impression d'être tout seul. C'est pas grave, on va le brancher après. C'est parce que tu as mis le mien. C'est pas grave. Alors, si tu veux, je peux te mettre du son. Le plus célèbre et formidable d'entre nous que nous voyons malheureusement si peu. Ça commence bien. Bonsoir à tous. Salut, tu vas bien? Bah oui, je vais bien. Alors pour la petite explication, oui, Canon a mis le casque qui est branché sur. Sur ma table de mixage, donc forcément, tu ne peux rien entendre. Il est là, je pense, ton casque. Ça va aller tout de suite. Hein. Ça va. Ça va aller nettement mieux. Ah, j'entends ta jolie voix. Tu m'étonnes. Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va bien. Content de vous retrouver. Bah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un mois déjà, vite passé. J'ai rien vu passer cet été, je vous avouerai. T'as passé de bonnes vacances? Ah non, tu pars. Non, parce que moi je pars après tout le monde. Oui, ouais. Ouais, je. Pour bien mettre la haine aux gens. J'attends que, voilà. Je les vois tous revenir, et puis moi, vendredi, ciao. Ah ouais. C'est bien aussi, oui, parce que d'habitude, on parlera aussi des Berloupes de Waterloo, et c'est vrai que j'ai l'habitude de voir mon ami Steph faire l'animation, et puis on ne verra pas cette année, malheureusement. Déjà, une bonne chose, c'est que les Berloupes ont lieu cette année. Oui. Voilà, nous sommes aussi avec notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Notre technicien, Mr. Chernia, le Wookie, parfois, surnommé le Wookie. Oui, ah ben oui. Je l'ai. Qui a rasé son bouc. Oui. Voilà, il a rasé son bouc, notre petit Sherlock. Oui, parce que j'ai dû aller à l'hôpital pour faire quelques tests et on a dû me coller des choses sur le menton, en fait. Voilà. Sur la feuille qu'on m'a donnée où il était noté que je devais passer les tests, il était noté qu'il fallait raser 1 cm² au niveau du menton. Je me suis dit, je vais avoir l'air d'un con, plus que d'habitude. Avec mon centimètre, j'avais l'air d'un con. Donc, de ce fait-là, j'ai dit, bah tant pis, je rase tout. Et c'est la première fois que ma femme me voyait sans mon bouc en 12 ans, en 12 ans de cohabitation. Bah moi je t'avoue, parce que t'as une barbe quand même assez riche, enfin, ça a déjà un peu repoussé. Ouais, c'est un vrai garde-manger d'ailleurs. Ça va bien. Non, mais là tu fais ton âge, 48 ans, ça te fait un peu plus vieux. Tiens, présente-nous les vieux, tiens, pendant que t'es là. Ah bah oui, bah justement, alors, en parlant de vieux, on a notre Gremlins à nous, la mèche folle de l'émission, c'est notre ami Flipcat. Eh oui, bonsoir. Eh oui, vieux et fier de l'être d'ailleurs. Hein. T'as déjà connu un mec qui est fier d'être vieux? Non, non, mais quand je vois vos tronches, ça me rassure. Ah, oui, oui. C'est sûr. Donc, tu vas bien? Ouais, très bien, ouais, merci. Est-ce que t'as une chronique ce soir? Non. T'as pas pu la préparer? Non, je dirais que bon, j'essaie de décrocher un petit peu. Le week-end était difficile. Non, c'était plus les événements depuis lundi, quoi, donc voilà, quoi. Je suis en train de lui faire dire ça, je vous explique, je suis un bêtisier, c'est Flipcat, parce qu'en fait, à chaque fois que je monte à la chronique, t'en as pas souvent, et je vais te faire un bêtisier coupé, à chaque fois, non, ce soir. Non, c'est vrai que ces derniers temps, ça fait... Faut mettre un petit tempo d'air, tu fais... non, ce soir. Non, ce tu soir. Vois, tu sais pourquoi il a déjà eu le pré-enregistrement. Alors, si je peux te reprendre, j'en ai. Ça arrive plus souvent que j'ai des chroniques de ne pas en avoir. Ouais, mais lui, il va c'est reprendre vrai. Que celle où tu dis non, ce ouais, soir. Voilà, je n'en ai pas. Et il va forcément. Tu sais, c'est comme les gosses à l'école qui reviennent avec le bulletin où les parents ne relèvent que les mauvaises notes. C'est ça. Oui, mais t'as vu, papa, là j'ai eu 15 sur 20, là j'ai eu 19. Ouais, mais t'as vu là, voilà. Et bah, c'est ça. Ça c'est tu sais, parfois, souvent, l'antenne, je dis toi ta gueule. Et à chaque fois, c'est mais si, ce soir, j'en ai une, toi ta gueule. J'ai pas chroniqué tout ça. Voilà, vous allez bien autrement? Oui, ça va très bien. Voilà, cette semaine de rentrée. Bah, vous avez pas. Si les enfants. Bah, toi, t'es. Ma fille va pas encore à l'école. Pas encore. Donc, elle a que 20 mois, mais. Stéphane. Non, mais elle connaît déjà l'alphabet jusque. Les enfants non déclarés. Les enfants, ça va, non. Ça se passe bien. T'as pas une nouvelle de maman? Apparemment, ils sont bien rentrés. Ils sont bien rentrés. Bah, c'est le principal. Et ça s'est arrangé, celle qui t'avait demandé une pension alimentaire, là, ou pas? Bah, ça va, ouais, y a pas de souci. Je veux dire, avec mes prestations, y a pas de problème. Il a dit quoi, alimentaire? C'est mon fils, il lui a envoyé envoyé un pack de chimée. Et toi, Philippe, ton fils, il est rentré en Angleterre Je pense que la rentrée, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui la rentrée. Oui, il décale ceux qui sont déjà, on va dire, dans les grandes classes. Oui. Par petite classe, justement, pour pas les gêner, parce que bon, comme on l'a vu un peu à la télé, les choses, ça les effraie un peu, surtout quand il y a des grands. Ok, la rentrée, c'est une formalité. Hein. Ils font je ça pense, en France hein, aussi, oui. Maintenant. Vous avez entendu l'anecdote aussi d'une directrice qui a déclenché une alerte terroriste le jour de la pré-rentrée avec des mecs cagoulés, des gars de la police municipale. Non. Ils ont tiré avec des pétards et tout ça. Il y a même des employés qui se sont fait dans le pantalon parce qu'ils croyaient vraiment que c'était vrai pour voir comment les élèves réagissaient. Il paraît qu'il y a un tollé. Vous n'avez pas entendu? C'est pas un fake. C'est pas un fake. Elle s'est dit ce jour-là de pré-rentrée, autant tout de suite allumer le feu, quoi. Et puis ça a pété, hein. C'est-à-dire les mecs sont arrivés cagoulés, ça a commencé avec des fausses armes et qui ressemblaient à des vrais, avec des bam bam bam, ça commence à péter, tout le monde au sol, machin. Et en fait, je trouve que c'est utile quelque part, au moins que les enfants. Mais le jour de la pré-rentrée, personne n'était au courant, mais par contre, elle avait le droit de le faire. Mais là, la préfecture se dit, est-ce qu'ils n'ont pas un peu outrepassé c'est quand même un peu chaud. Le problème, c'est si on dit que tu as le droit de le faire, tu le fais quand tu veux, c'est le but d'une alerte. À l'armée, on nous faisait ça, on nous fait péter en plein milieu. Et moi, je préfère que les enfants. Et puis, tu te dis, si tu as ça le premier jour de la rentrée, qu'est-ce que ça va être le reste de l'année, quoi? Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, et si aujourd'hui, à la pré-rentrée, ça existait, au moins, les élèves maintenant sont formés. Voilà. Ouais. Et nous avons aussi, à ma gauche, une présence féminine. Et ce n'est pas Zonissa, c'est Véronique. Bonsoir tout le monde. Salut tout seul. T'es venu avec tes parents? Non. Comment tu vas? À la maison. Ça va très bien. Ça va bien. Bon. Donc ça va très bien. Véronique, voilà, qui fait partie de l'intendance du bar logistique, qui nous prend nos sous, qui gère notre qui gère la comptabilité des grands. C'est une petite maman à nous. Qui gère nos bourses. Ouais. Voilà. C'est ça. Prend soin de nos bourses. Et nous on les vide, hein? On vide nos bourses et puis voilà. À chaque fois que je la quitte, elle est vide, la mienne. Et tout est dans les mains de Véro. On la suit dans les mains de Véro et on sort les... Oh, c'est chaud, non, hein. Ça commence bien. C'est sûr que c'est chaud. C'est pas parce que les miss, ils arrivent après qu'il faut... Non, mais c'est vrai que c'est chaud. Bah, les miss, on va en parler parce que nous allons recevoir, en fait, le comité de Miss Hainaut 2018. Donc, c'est en fait, techniquement, c'est Miss Province Hainaut. Alors, ils ne viendront pas avec toutes les miss parce que justement le comité est vraiment très sérieux. On aura l'occasion d'avoir Frédéric et Anissa, donc la Miss Province du Hainaut 2017 et sa Dauphine, ainsi que Corinne Delessy qui est la présidente et Christopher Renard du comité Miss Moucron 2018, qui vont nous parler d'un événement qui s'appelle donc les Miss au Pays des Merveilles et qui se passera au Marius Taquet dans quelques jours, c'est dimanche 17 septembre. Donc on va les accueillir après une petite page de publicité. Je trouve ça très bien. Et aussi notre ami Stéphache qui va tout au long de la soirée nous animer avec son Le défi mix mensuel. Alors d'ailleurs, on va faire quelques titres. On va faire un petit tirage au sort. Voilà. Donc je rappelle le principe. Dans ce sac à mix qui que personne ne veut prendre, hein, apparemment. À ne pas confondre avec le sac à mix. Il joque là sur la table, n'est-ce pas? Il doit y avoir à peu près 500 titres années 80, tout style confondu, et vous allez en tirer au sort 6. Ouais. Et le but, pour moi, va être de me débrouiller avec ça pour vous faire une seule session. Je demande à Véronique d'en tirer et deux. Et d'enchaîner ces merveilleux morceaux que vous allez chantonner. Oui, sans plus tarder. Et Flip 4 va prendre les deux. Surtout derniers. Flip 4. Donc tu auras droit à Chris Rea, On the Beach. Ah, c'est bon ça. On the Beach. Je suis pas certain que ça soit ça. Je l'ai plus. Non. Chris Rea, On the Beach. Oui, on n'a pas. Mais si, oui, parce qu'on n'a pas dit, mais Harry va arriver normalement après. Justement, je voulais, parce que s'il nous écoute, je voulais complètement le zapper. Vous êtes pas loin. Ah merde, il fallait le dire avant. Il fallait le dire en antenne. C'était intuitif. Mais bien sûr, vous avez reconnu. Chris Rea. Vous avez reconnu qu'on était tous là, sauf Harry. Alors, pour activité professionnelle. Voilà, Harry est au salon de l'île de l'habitat, si je dis pas de bêtises. De Douai. Non, de Douai, pardon. De Douai. Le salon de l'habitat. Tout ça. Donc, de l'habitat, ouais. Oui, de l'habitat. L'habitat, Harry. Et donc, donc, il va avoir un petit peu de route et il arrivera un peu sur le tard. Donc, je suppose qu'il nous écoute sur la route actuelle. Ah, il va venir quand même. Non, mais je voulais faire exprès de le zapper pour que je dise. Ah, mais là, t'aurais dû prévenir en antenne. Ouais. Donc, on va faire Chris Rea On the Beach et ensuite suivi de Sister Siegle. Sledge. All American Girls. Ah, je les ai pas, ceux-là. Non, ce sera. Sister Sledge, c'est ceux qui chantaient We Are Family. Ouais, mais par contre, All American Girls, ça me dit rien. Bon, vous allez, ça va. Si, si, quand vous allez entendre les titres, c'est pas ça. C'est pas quand vous allez entendre les titres. C'est pas ça, c'est vachement. C'est pas ça, c'est vache. American Girls, you c'est exactement. Si, si, c'est tout. D'accord. Ça. Alors, moi, j'ai tiré Indochine. T'as tiré Indochine. Ouais. Ouais, en plus, troisième sexe. Ça t'a fait quoi? Troisième sexe. Ouais. Bah, il faut que tu fredonnes. Je la connais la chanson, mais je serais plus. Alors, je connais plus. Marouane Viro, c'est tu recules le micro, elle se rapproche. Ouais, c'est le but, c'est que tu parles là, voilà, on t'entend très bien. Troisième sexe, Flipkat. Okay. Tu connais ça, l'étrave? pas spécialement, non, c'est pas mon rayon. Ça fait pas. Dans la rue, t'es tenu charmant. Dedans, habillé comme fiancé. Dedans. Ça doit être ça, je pense, le troisième sexe. Absolument. Bon, et la suivante. Et ensuite, c'est Ottawa, musique magique. Et B. Alors, c'est comme T.O.K. ou c'est comme D.I.S.C.O. mais c'est Musique magique. Non, moi, Musique magique. Tout sur la même chanson. Tu l'as fait tout le temps. Et maintenant, Flipkat, il va vous interpréter en direct, donc un peu de silence. Attention, parce que là, fidèle à lui-même. Alors, ça, c'est terrible. Alors, fidèle à lui-même. Je sais, tiens, deux trucs, mais alors, ça me parle pas. Confettise. Oh, oui, ah, Sound of Sea. Ah oui, This is Sound of Sea. Ah, d'accord. On fait bien, c'est vrai. Avec le grand, il faisait quasi 2 mètres, oui, le chanteur. Ah, oui. Ses cheveux en l'air. Je connais. Maintenant, il était chauve. Je le fredonner, oui. Mais si tu veux l'évocation du nom même du groupe, c'était vache. Haute-moi la doute, il était chauve, le chanteur de Confettise. Oui, alors 2 mètres, très grand. Oui, il était chauve. Moi, j'aurais dit des cheveux en l'air. Après, il y avait peut-être une perruque, mais. Alors, chers auditeurs. Il y avait un chapeau, peut-être. Ouais, il avait un chapeau canadien dans. Twinkle Little Star, hein, ah, j'aurais dit un chapeau, peut-être un peu style aussi tambour majeur. Tu confonds pas avec il s'est Captain, il s'est Hot. Lui, il y avait un chapeau. On va aller aux infos sans plus tarder. Vas-y. Et le deuxième titre, donc Jackie Quartz avec Mal de vivre. Ah. Oh. Mal de vivre. Ah, tu connais ça? Tu connais ça? Je connais tout. C'est pareil, c'est parce que Jackie Quartz, on connaît Mise au Point, surtout. Oui. Et alors, là, c'est peut-être un. Peut-être le troisième titre qui était sorti ou quelque chose comme ça. Voilà. Et ouais, je pense que vous allez quand même vous l'effacer. En rappeler. L'effacer. Il y a la phase A, la phase B, ouais, l'effacer. C'est ça. L'effacer. Voilà. Bon, on commence par toi. Bah, ça si serait on... bien, non tu... On commence comme ça, ouais. Non. Si je peux avoir un petit morceau avant. Ouais, mais justement, je trouve que t'es un petit peu confortable. Tu deviens un peu confortable. Alors, un seul morceau. Tu mixes, mais un seul morceau. Non, on va faire une petite pause musicale. Déjà que je trouve tout. On fait une pause musicale, on envoie Stéphèche, et après on va recevoir le Miss Province, le comité des Miss Province Hainaut, pour vous parler de leur événement qui aura lieu au Stacké dimanche 17 septembre. Ok, et ben on se retrouve tout de suite après Billy Ocean. Alors c'est encore un titre à rallonge. C'est pas celui-là. C'est Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Ça, c'est toi de mes rêves et. C'est sors de mes rêves et monte et dans ma bagnole. Ah oui, d'accord. Dégage de ma tête et monte dans ma caisse. Il me dit rien ce morceau, mais je. Mais il est connu. Ah. Il est connu. Et Chris Deberg avec Eye on Emotion. Et donc Chris Deberg avec Eye on Emotion. Eye on Emotion. C'est pas ça non plus. Je voulais faire toute la soirée. On s'écoute ça, allez, c'est parti. I'll be there. Salut ses partenaires. Salut ses particuliers. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Et oui, vous êtes toujours donc dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM avec le titre qui est passé précédemment, donc Chris de Burg, et avec le titre Eye on Emotion. Yes. Et est-ce que tu pourrais, est-ce que tu pourrais nous rappeler le titre précédent? C'est rigolo. Hein. Alors, je crois que c'était Billy Ocean. Ouais, bien, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein. C'était Billy Ocean avec Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Eh ben, écoute, si tu le dis. Ouais. Oui, on l'avait dit hors antenne. Dégage de ma tête et monte dans ma carrette. Ouais, c'est exactement ça. C'est la version ch'ti, en fait. C'est ça, pour rimer en plus. Plaît-il? Plaît-il, c'est très très militaire aussi ça, tout ça. Alors on vous rappelle, oui, vous êtes toujours dans l'émission donc 80 à l'heure. J'espère que vous passez une bonne soirée. Donc on est à l'écoute jusqu'à 22h30 hein, avec Flip 4 que vous venez d'entendre. Et oui, bonsoir. Voilà, avec notre ami Sherlock. Hein. Oui, bonsoir à tous, bonsoir et surtout, à toutes. Notre DJ national, internationalement connu, qui nous vient des Nord des Indes, tout des États-Unis, de pas très loin. Stéphane. Stéphane. Ouais. Voilà, ouais. Mais surtout aussi, je vous en ai parlé il y a quelques instants. Nous allons recevoir et ils sont juste à côté de nous. Donc le comité Miss Province du Hainaut 2018 pour un spectacle qui va se passer donc au centre Marius Taquet le dimanche 17 septembre à partir de 15h. Et nous avons la joie, le privilège et surtout le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Corinne, Christopher, Frédéric et Anissa qui vont se présenter respectivement et qui font partie donc de ce comité. Alors traditionnellement on reçoit toutes les Miss, donc là ça n'est pas le cas, on reçoit justement les Miss et la Dauphine élue 2017, et la présidente donc du comité ainsi que Christopher Renard que vous connaissez aussi de nom et de réputation pour sa participation, il nous en parlera tout à l'heure, de plus en plus pertinente donc, dans Miss Moucron, et on en parlera tout à l'heure. Alors je vais laisser avant tout... Oui, vous rassurez-vous, les mecs, je me taire. Je vais laisser la parole, en fait, à Corinne, qui va se présenter. Tu es venue avec tes parents? Non, je ne viens plus avec mes parents, Corinne. Depuis longtemps. Je suis émancipée. Alors, oui, bon... Bonsoir, Corinne. Voilà, je suis la présidente donc, de Miss Province de Hainaut, comme tu l'as dit. Ah, de Hainaut, d'accord. Ouais, je dis du Hainaut, c'est vrai. Non, on dit de Hainaut, voilà. D'accord, j'ai mal écrit. Comité que j'ai repris il y a 5 ans maintenant, c'est la 6e édition, à Marianne Arduin, qui est moucronoise, très connue, la famille Arduin. Marianne, voilà, oui. Qui a créé cette élection de Miss Province de Hainaut. Et donc, cette année, eh bien, c'est à Moucron que revient cette élection, pour, on va dire, la boucle est bouclée, puisque Marianne a transmis à Christopher, le flambeau à Christopher, qui en parlera mieux que moi tout à l'heure. Pour Miss Moucron, donc, et moi j'ai repris Miss Province du Hainaut, et ça se fera donc à Moucron cette année. D'accord. Et tu étais aussi jury dans les Miss Moucron? Ah oui, en fait, en tant que présidente du Hainaut, je suis jury dans toutes les élections du Hainaut, donc à Hatt, à Belœil, à Comines, enfin un peu partout dans le Hainaut, effectivement, et c'est là qu'on a eu le plaisir de se voir. C'est vrai, on a eu le plaisir de se rencontrer très très souvent. Alors, présente-nous aussi, puisque tu es venue avec deux très jolies jeunes femmes, et très sympathiques, parce que j'ai eu... Bon, je vais te laisser en parler, parce que je les connais aussi. Donc, c'est Frédéric et Anissa. Je vais te passer le micro comme ça, regarde, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Frédéric, qui est notre Miss actuellement encore en titre, Miss élue Province du Hainaut. Alors, elle a grappillé un petit peu, parce que d'habitude, l'élection a lieu tous les ans. Et cette année, nous avons eu quelques petits soucis de réservation de salle, notamment, ce qui fait que Frédéric est déjà élu depuis 18 mois maintenant, donc elle a vraiment grappillé un petit peu. Je trouve qu'elle grappille, hein, ouais. Ouais, elle grappille. Hein. Voilà. On profite où on peut. Hein. Voilà. Alors je vais la laisser simplement se présenter elle-même. Hein. Salut Frédéric. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mais voilà, comme vous l'avez dit, donc je m'appelle Frédéric, j'ai 23 ans et je suis l'actuelle Miss Province du Hainaut 2016-2017. Voilà, messieurs, souriez. Ils sont émus, hein, ils sont émus. Voilà. On ne les entend plus. Voilà. Dès qu'on a une très belle femme cultivée, ah oui, bah etc. Oui. Voilà, ça c'est un. Elle ne mord pas. C'est vrai. En plus, elle ne mord pas. Elle mord pas. Donc toi, non, mais c'est vrai que ton parcours, on peut le saluer parce que avant ton titre, tu es quand même assez coutumière. Tu aimes ce genre de représentation. Et tu es très représentative. D'ailleurs, je te l'avais dit hors antenne. Ça vous le saurez pas. Dans un contexte et tout ça. Comment c'était venu en fait de. Tu as quel âge, si c'est pas indiscret? Donc 23 ans. 23 ans, c'est quand même. Si t'avais écouté, voilà. Je n'écoute pas. Ouais, non, si non, je ne l'ai pas. Dit, je l'ai dit, Dame, je l'ai dit. Voilà, oui, mais j'essaye de ce qu'on appelle de rebondir. Donc, Sherlock voulait te poser une question qui lui tenait à cœur. Donc, voilà. Tu es venu comment au monde des Miss, en fait hein? En fait, donc, j'ai démarré, j'avais 16 ans. Et simplement par hasard, je suis tombée sur une élection donc, de ma ville à l'époque, à Saint-Guilain. Où j'ai été élue première dauphine, et puis après, bon, j'ai fait une petite pause de quelques années, et j'ai recommencé en 2015 à l'élection de Miss Kevi, donc où j'ai remporté le titre, et ce qui m'a permis donc, de me présenter à l'élection de Miss Province du Hainaut. D'accord. Et ton sentiment sur les élections, qu'est-ce que tu préfères dans tout ce monde-là? Ce que je préfère, c'est vraiment les prestations quand on est élu ou même quand on est candidat, c'est vraiment de découvrir des nouvelles choses, donc partir à la rencontre des personnes, que ce soit dans le milieu politique, associatif, culturel, sportif. On fait vraiment plein de choses, on découvre plein de choses, on en apprend beaucoup sur sa ville ou au contraire donc sur sa province. Et voilà, c'est vraiment super enrichissant de rencontrer comme ça énormément de gens toute l'année. Ici, moi, en tant que Miss Province du Hainaut, donc aux côtés de ma présidente Corinne, je faisais partie des membres du jury donc, de toutes les élections dans la province. Et voilà, on découvre aussi énormément de jeunes filles et leurs passions, ce qu'elles aiment faire. Et voilà, je trouve ça super intéressant. C'est vrai. Elles sont nombreuses. Alors, cette année, en fait, il y a combien de candidates hein? Elles sont 20 candidates. 20 candidates? Ah oui, c'est quand même nombreuses. Hein. À la base, elles étaient 22. Bon, voilà, deux petits désistements. D'accord. Mais donc, elles sont toujours quand même 20 candidates. Elles ont été abattues par les concurrentes, ça veut dire ça, désistement. Dans le monde des Miss, c'est avec les yeux crevés, hospitalisation, CHU, enfin, vous voyez comment ça se passe, etc. Et donc, vous préparez un spectacle dont, je suppose, là, je lance un peu l'info, je suppose que Monsieur Christopher Renard, je dois plus le présenter parce qu'il est très connu dans ce petit monde moucronois, doit certainement un peu intervenir là-dedans, je suppose. Je vais te laisser le micro. Alors oui... On est très équipés aujourd'hui. Vous avez dû remarquer qu'on passe les micros. On passe les micros, c'est voilà. Sympa. C'est, salut Christopher, tu vas bien? Ben, très bien, très bien. Bonjour, bonjour à tous et bonjour Moucron. Pas trop fatigué parce que... Attends, avant d'embrayer, tu viens de faire... Parce que parlons de Christopher qui est donc chorégraphe, danseur, musicien, accordéoniste, chanteur, directeur d'une société de prestations... Événementielle et production artistique. Absolument. Et donc, tu as eu un événement là il y a 3 jours. On a fait un jeudi jusque lundi non-stop sans dormir. Donc ça, c'était le gros challenge pour commencer l'année scolaire, le premier week-end de septembre. Et puis ben, ici, prochainement, ce week-end, il y aura Miss International France, où là, j'ai l'honneur d'être chorégraphe et l'équipe technique son et lumière. Et le week-end d'après, ben, notre élection, notre grande élection que je tiens à cœur, Miss Province du Hainaut, et qui se fera chez nous, comme vous l'avez dit. Et ben, moi, mon rôle, c'est j'organise, je prends en main un week-end complet toutes les candidates et le podium Miss Province du Hainaut sur Moucron. Donc, on fera des visites, ils vont être logés pendant 2 jours et on crée le spectacle. Donc, on crée le spectacle en collaboration avec la chorégraphe aussi, parce que j'aime souligner tous les gens qui travaillent derrière, la chorégraphe de Miss Tournée et on est aussi soutenu par le comité Miss Tournée, qui est aussi dirigée par Corinne Deleuzy. D'accord, voilà. D'accord. Alors, la chorégraphe qui est Barbara Meurice. Voilà. Très bien. Oui, mais oui, oui. Mais je est également, voilà, qui est également danseuse et dans le milieu ah, des oui, Miss. Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oui, bah, c'est bien, c'est bien. Et alors, ben, tous ensemble, ben, on a créé, on est encore occupé de le créer, décor, costume, chorégraphie, son, lumière, un spectacle, je pense que... On peut parler du thème, peut-être. Voilà, hein. Qui va être, en fait, Alice. Alice au Pays des Merveilles, mais alors ce sera les Miss au Pays des Merveilles. Absolument. Et voilà. Moi, je vous propose justement, alors c'est d'en parler, on va faire une petite coupure, en fait, musicale qui va être faite et orchestrée, parce que sinon il s'endort après. Il s'endort par notre DJ national comme international. C'est décalage horaire. Voilà, la, voilà, Guetta, on est sa pâle copie. Nous, nous l'avons gardé à RQC aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux expliquer à notre... Oui, je parle. Non, avant ça, j'étais en train de me dire, vous avez perdu les casques sur RQC ou quoi, parce que... On a, oui, on a un petit souci de casque. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la thématique en fait de ta superbe intervention? Alors, bah, le défi mix, c'est que précédemment, vous avez tiré 6 titres au sort parmi 500 titres à peu près années 80, tout style confondu. Et le but, pour moi, ça va être d'essayer de faire une seule session avec ces 6 morceaux, de les enchaîner, sachant qu'on a... On a un peu de tout. Hein. On a de la variété française, on a de l'électro, enfin de la new beat avec The Sound of Sea, ouais. Confetti's. On a du Indochine aussi, du Chris Rea, enfin bref. Absolument. Donc on vous rappelle tout ça est en direct. Hein, ça, ça, vous êtes, ça peut être vraiment du n'importe quoi. Ça peut être vraiment du n'importe quoi. Ça peut être une grosse catastrophe. On est déjà tombé sur du Tata Yo-Yo. Passer avec, mixé avec un Depeche Mode et tout ça, et il doit nous mixer ça. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est un gars super sympathique qui prend des risques. Ouais, c'est chaud. Donc on vous laisse avec très fâche et on revient ensuite vous parler du spectacle, surtout les Miss au Pays des Merveilles qui se passe au Marius Taquet le 17 septembre à partir de 15h. On vous expliquera, j'espère, avoir des petits détails croustillants quand même, des tips, des astuces, des potins. Il y a même des potins. Oui, il y a des potins. Mais dans le monde des Miss, il y a toujours des potins. Et on accueillera aussi, j'y tiens, c'est Anissa surtout, parce que voilà, qui est la première dauphine, deuxième dauphine, donc qu'on accueillera aussi avant toute chose. Tu m'excuses parce que comme t'es dans mon dos, c'est un peu compliqué et tout ça. Donc on vous laisse avec le vieux. Alors ça dépend encore pas par rapport à qui, tu vois. par rapport au Miss, oui, effectivement. Bon, on est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Sans faire de bruit. Pourquoi tu... is a sound of sea. This is a sound of sea. Down on the beach. Yeah, down on the beach. qui attend, je prends pas la main. Eh oui, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Et là, c'était donc le défi mix de notre DJ national, international, Stéphane. Et nous sommes toujours en compagnie donc du comité, je vais pas faire de faute, c'est Miss Province de Hainaut. Miss Province de Hainaut, donc avec Frédéric, Anissa et Corinne. Et Christopher qu'on ne présente même plus d'ailleurs. Je vais plus te présenter, tiens, tu restes là. Et attends, je vais baisser un petit peu pour. Parce que sinon on entend Christopher. Ouais, c'est ça. Et donc on en était resté à au fait qu'on n'avait pas encore présenté Anissa. Mais tu avais promis de la présenter en tant que Casimir. Ah oui, la voix rouée. Ah ouais, la voix rouée et puis le nez bouché, ça va. Attention, le Casimir de Moucron est de retour. Casimir, quoi, t'as enrhumé aussi. Ouais, hey. Casimir enrhumé, ça va être top. Il vaut mieux le Casimir que le Quasimodo. Hein. C'est vrai. Je l'ai déjà fait, Quasimodo, par contre. Alors. Anissa, bonjour. Bonsoir. Ça fait toujours le même effet, c'est joli, dingue. C'est ouais. Quand tu ressembles à rien, moi j'aime bien ça. C'est ça. Alors Anissa, vas-y, présente-toi. Donc toi, tu es la deuxième dauphine. Oui, c'est cela, oui. Alors, bonsoir à tous, je me prénomme Anissa, je suis âgée de 22 ans maintenant, et donc, comme vous le savez, j'ai été élue deuxième dauphine de Miss Province du Hainaut. J'ai encore un petit peu de temps devant moi, il me reste un petit 2 semaines, oui. Même pas une grosse semaine, oui, donc ça s'accélère, ça va vite, mais bon, on y est, on a la fin, ça va aller. Alors, toi qui voulais mettre un casque sur tes oreilles, ça fait quoi d'entendre ta voix? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, hein? Tu t'étais déjà entendu à la radio? Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. Super, bah voilà, bah écoute. Et tu te débrouilles très bien. Oui, parce que il y en a beaucoup qui arrivaient devant le micro, font. Par contre, te rapproche pas trop parce que c'est les boutons de fièvre et il faut pas s'approcher. Elle doit visser sans avant. Non. On change les bonnets tous les années bissextiles, donc faut faire très attention. Mais on y pense de temps en temps. Donc voilà. Moi, j'aimerais revenir sur le spectacle, par contre, et revenir en fait sur les deux. Bah, principaux acteurs, il y en a d'autres, on a cité tout à l'heure des chorégraphes aussi. Je vais revenir après avec les Miss Élus pour me dire, j'aimerais avoir votre impression sur le spectacle et tel que vous l'aviez vécu l'année prochaine. Mais si on parlait un petit peu du Marius Taquet, et donc je vais vous laisser le micro à tous les deux, au Christopher. Donc voilà, le 17, hein, je dis pas de bêtises. Le 17, à partir de 15h. À partir de 15h. C'est ce que j'ai sur la. 16h, c'est d'accord. Ça, ouais, 16h. Le spectacle, ce sera 16h, ouverture des portes à 15h30. Puisqu'il d'accord. faut le temps que le public entre dans la salle. Et avant ça, nos jeunes filles ont un jury en huis clos. Donc tout dépendra aussi de la durée du jury en huis clos. 4 heures. Parce c'est ça. Et on fait partie du jury, c'est écoutez, à 13h, les Miss rentrent. À 13h30, ça se termine. Donc en général, vers 16h30, on a tenu les gens 2 heures en disant vous inquiétez pas, le spectacle va débuter. Donc ça termine comme tous les spectacles vers 3h du matin, non? Non. Non, c'est notre point fort au niveau de l'organisation. On essaye de respecter les timings. C'est important. C'est important parce que faire 4 heures de spectacle, ça devient long. Mais c'est éprouvant. C'est éprouvant autant pour les Miss que pour le jury parce qu'au bout d'un moment, le jury et même le public décroche un peu. Oui, j'allais dire le public surtout, parce qu'on a pour coutume de participer à certaines élections qui commencent à 2-3 heures de l'après-midi et qui ne sont pas terminées à 2 heures du matin. Et c'est inadmissible, même pour les jeunes filles qui sont dans les coulisses, etc. Donc voilà. Donc Alice au Pays des Merveilles. Les Miss au Pays des Merveilles. Donc on reprend différents tableaux de différents films, du dessin animé, de différentes parties du film. Également de Tim Burton, bien entendu, puisque c'est les plus connus actuellement. Et donc, je vais pas tout dire, mais je vais dire quelques petits mots et quelques petites choses qui vont pimenter peut-être vous faire venir. Au Marius Taquet. Vas-y, donne-nous envie de venir. Alors, par exemple, on peut avoir le bal d'Alice. On peut avoir une petite vengeance. On peut avoir la dame de cœur, peut-être, qui va venir sur la piste. Et pourquoi pas, est-ce qu'Alice aura le temps. Est-ce que c'est la vraie Alice Je sais pas. Alice, hein, c'est vrai. Est-ce qu'elle l'a pas Ah oui, ah, oui, un lapin, il est à ma gauche. Le lapin, il est à ma gauche. Bon, on cherchait un lapin et je pense que Dom aime être sur scène. Oui, mais on m'a dit que c'était un... Et tu peux chanter. Et alors, on veut bien faire... On met toujours un adjectif avant lapin, moi, donc c'est peut-être pas là qu'il faut mettre dans une émission. C'est pas ma réputation. Il fait toujours très chaud, c'est taquet. Ah, bah merci, tu l'as dit, d'accord. Bon. Ah bah, s'il y a chaud lapin, je veux bien faire. donc, comme les élections, et alors comme c'est Moucron qui est organisateur et même à tourner aussi le fond, il y aura évidemment un show avec des robes de mariée, par exemple. Oui. Robes de soirée et des costumes venant de Attitude Show, notre sponsor événementiel et en costume. Voilà. Ça va être très sympa. Donc, il y aura des lapins. Il y aura des lapins. Il y aura beaucoup de lapins. Il y aura un gros réveil. Les robes de mariée viennent de où ? Alors, les robes de mariée viennent de notre cher et tendre Greg, rue du Christ, Rob Ferry, qui nous sponsorise pour Miss Moucron et qui prend la relève et qui a dit bon, ça se passe à Moucron et il a Moucron dans son cœur aussi. Donc voilà. D'accord, ok. Très très belle robe. C'est vrai, oui, non, mais il faut le citer, c'est très, pas très pour robe. Lui faire de la pub, mais objectivement, après, il y a un très très belle de robe. Tenue de ville également. Voilà, tenue de ville, où là c'est un sponsor de pas Moucron, mais Erzo, parce que nous avons l'élection de Miss Erzo aussi, et là c'est chez Divino à Requem, où là elle va nous prêter sa nouvelle collection qui vient d'arriver il y a même pas quelques jours. D'accord. Alors, il reste quelques places, quand même, si des gens veulent venir. Oui, il reste quelques places. Donc, on peut toujours réserver en laissant un message privé sur le Facebook Miss Province du Hainaut. Alors, c'est Miss Province du Hainaut. Facebook, on tape Miss Province du Hainaut. Oui, Miss Province du Hainaut. D'accord. Et il y a également un événement qui a été créé sur Facebook. Oui, donc, absolument. Via la page de l'événement, on sait nous contacter également. Que vous pouvez retrouver, sauf erreur, sur la page 80 à l'heure. J'avais partagé en début d'après-midi. Donc, voilà, vous pouvez aller là pour avoir tous les éléments. Le prix démocratique, c'est... Alors, 15 euros pour les places normales. Passe publique. Oui. Passe publique. Et alors, 35 euros en place VIP. Alors là, ils ont le droit à quelques mini-hardies. Ils ont le droit d'être chouchoutés en boisson. Des bulles. Des bulles. Ouais. Donc, il y a Sherlock qui va se retransformer. Et bien sûr, qui dit place VIP dit bien les meilleures places du staquet. Ah, bah évidemment, voilà. On se retrouve en face des Miss. Et alors, je précise que pour les retardataires, ils peuvent toujours venir. Quelques heures, quelques minutes avant l'entrée, il y aura, je pense, encore quelques petites places encore en vente. D'accord. Donc, ils se présentent, ils arrivent à quelle heure pour s'ils sont retardataires? 15h30. 15h30, voilà. Non, mais on est d'accord. Les retardataires, c'est 15h30. Ouais. Ils mettront des strapons. Enfin, vous inquiétez pas, parce que vu les jurys vers 16h, il restera de la place. On reviendra, on fera un retour à l'émission 80 heures. Je t'assure, parce que Christopher, on se connaît bien. Je vais venir à 15h30, je vais faire un chronomètre, je vais me foutre de toi. Il va être 16h20, je vais te faire ça en disant. Non, parce que c'est moi qui gère le jury. Donc. C'est vrai. Ah, c'est 17h30. Donc, Anissa, qu'est-ce que tu... Ouais, tout le monde rigole parce que je viens de faire lâcher le micro. C'est ça. Il y a qui jongle entre les micros. C'est de la technique. Tu as déjà fait de la scène donc l'année dernière. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, bah, très bien. C'est ça à chaque fois une aventure qui enrichit et qui nous ouvre davantage. Le fait de passer sur scène, déjà, ça nous enlève dans la timidité. On s'assume déjà beaucoup plus. Et toujours changement de micro. Ouais, changement de micro, ça tourne. Et oui, donc moi pour ma part, moi j'ai commencé tout simplement donc déjà par Miss Tournée, qui est aussi présidée par Corinne. Ça a été une bonne aventure. Bon, je vais dire que j'étais vraiment moins ouverte quand j'ai été élue à Miss Province du Hainaut, mais à chaque prestation, que ce soit sur scène ou d'autres prestations, je m'ouvre davantage et j'ai moins de difficultés à m'exprimer auprès d'un groupe. Qu'il soit. Non, mais c'est bien. Question facile, consensuelle et compliquée. Si tu devais. Enfin, avoir un. Ouais. Bah, vous savez qu'à 21h, je dis des mots corrects, altruisme, empathie, outrecuidance, des choses comme ça pour me rendre intelligent. Bah, parce que si je l'ai noté sur une feuille, vous m'avez dit de mettre 10. Non, aujourd'hui, si tu devais dire un ou deux, trois mots de ce que t'as apporté l'expérience de Miss. La question classique qu'on pose, mais c'est vrai que t'apportes vraiment, quoi. Tout simplement, ça m'a grandi et ça m'a fait devenir une femme qui s'assume vraiment très très très bien et que je enfin, honnêtement ça m'a fait ça m'a fait grandir tout simplement. Je n'ai pas forcément elle regarde Frédéric ça. c'est beau les dauphines avec la mix etc. non mais c'est bien, je pense que je te rassure, tu t'exprimes très très bien à la radio. J'ai une petite question. Bon, je suppose que la mix ne peut plus se représenter à l'élection. Par contre, est-ce que les dauphines peuvent se représenter avoir le titre ce coup-ci? Non, pas chez nous. Ça, on le voit quelquefois dans certaines élections, mais bon, je trouve ça un petit peu ridicule. Elles ont eu leur temps, bon, elles ont été dauphines ou miss, et puis voilà, on va pas chaque année prendre les mêmes et recommencer. Il y a d'autres jeunes filles qui peuvent se présenter. D'accord. Et je te rejoins et je le dis parce qu'il y a beaucoup de miss aussi et dauphines que je connais dans mon entourage, mais je le pense. Et je l'ai déjà dit à certaines, c'est qu'à un moment, au bout de la quatrième fois d'essayer, je trouve que même ça les dessert parce que en tant que jeune femme, en tant que tout ce que tu veux, t'as fait. Bah c'est vrai qu'à 42 ans, après, on se dit il faut peut-être arrêter un moment. Oui, mais bien que maintenant il existe également des élections d'ambassadrices. Oui, c'est vrai. Des dames plus âgées. Je pense Christopher faisait un petit clin d'œil, mais c'est vrai. Par exemple, les miss maman, c'est une catégorie à part entière, mais on pourrait faire, tu vois, les Miss Maman, après c'est les Miss Maman d'avant et les Miss Maman d'après, c'est-à-dire c'est un moment tout côtoie, le pire côtoie le meilleur. Ça veut dire, je pense que une Miss pour moi, il y a la Miss qui a gagné, les dauphines, et il y a les autres, c'est non pas qu'ils ont perdu, ils ont participé pour qu'il y ait un vainqueur. Je veux dire, c'est tout, il n'y a pas à se dire je suis moins bonne, je suis moins belle. Avant tout, une élection c'est une expérience. C'est sûr. Comme en tant qu'artiste, on est en spectacle, on n'est pas forcément à l'avant de la scène, on est simplement danseur ou alors musicien à l'arrière, mais on passe du bon temps sur scène, on passe du bon temps en répétition. Donc je pense qu'avant tout, et je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui écoutent, quand on fait une élection, c'est avant tout une expérience et pas forcément avoir la gagne, quoi. Il y a un bon moment partagé, parce que exactement. C'est vrai que dans les coulisses, quand il y a les préparations, il y a beaucoup d'émotions, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a de la frustration, il y a du plaisir, il y a des gens peut-être grâce à ça, comme le disait Anissa, qui évolue aussi en tant que jeune femme. Je pense que c'est effectivement une bonne école de vie, parce que bien souvent, les jeunes filles nous le disent après, lorsqu'elles se présentent à des entretiens d'embauche simplement ou des examens oraux, elles ont tout gagné parce qu'elles ont pris confiance en elles, d'avoir dû se présenter devant un public, tout simplement. J'ai une autre question alors par rapport à ça. Je rebondis là-dessus. Corinne, tu me dis, celle qui se présente après un entretien d'embauche, je vais me tourner vers les Miss. Est-ce que vous le mettez sur votre CV que vous avez été Miss ou deuxième dauphine, justement Moi, oui, c'est sur mon CV. D'accord. Et alors, est-ce que ça permet d'avoir des emplois plus facilement? Est-ce que les employeurs rappellent plus facilement, peut-être? Ça, oui, peut-être. Mais après, c'est pas parce qu'on a été mise, c'est le fait de savoir ce qu'il y a justement derrière ça. C'est de voir si ça confirme le stéréotype du « sois belle et tais-toi » ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose. Moi, personnellement, sur mon CV, donc, il y a le fait que je suis Miss Province du Hainaut, mais il y a aussi le fait que je suis étudiante, je suis diplômée en communication, spécialisation, journalisme. Donc les gens se disent « tiens, comment ça se fait ? Enfin, comment peut-on associer les deux ? Et pourtant, c'est possible. » D'accord. Après, il faut aussi savoir que ça leur ouvre des portes. Elles obtiennent facilement, par exemple, des stages aussi chez des partenaires qu'elles ont côtoyés durant l'élection. Oui, c'est pas faux. Ouais. Oui, ça aussi. Ceux qui prêtent les... Oui, et le fait de le marquer sur le CV, c'est aussi qu'une jeune fille qui a été Miss a quand même pris un engagement. C'est-à-dire qu'elle s'est quand même engagée pendant un an. Où elle a, comme le disait ou 18 Frédéric, mois, hein, par exemple. Ou 18 mois, comme disait Frédéric, avec de nombreuses sorties, avec des agendas chargés. Donc à partir du moment où elles savent s'engager dans ce genre de sorties, d'élections, de contraintes, elles peuvent aussi s'engager dans le milieu du travail et répondre à d'autres contraintes. D'accord. J'ai encore une autre question. Parce que j'ai plein de questions, en fait. Frédéric. Oui. Une question pour toi. Oui. Je vais te la poser en Casimir. Est-ce que tu comptes te présenter à une autre élection maintenant? Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que j'ai fait mon temps, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Maintenant, il est vrai qu'en tant que Miss Province du Hainaut, je suis sélectionnée d'office pour la finale de Miss Élégance de la Belgique francophone. Mais je veux dire que je me tâte encore. Ici, je suis à fond dans Miss Province du Hainaut. Je veux faire le spectacle bien, parfaitement même. Et je me dis, je verrai bien après. Et puis, je veux toujours être aussi derrière le comité Miss Province du Hainaut par après pour donner des coups de main et être présente quand je pourrai, évidemment. J'ai pas envie de lâcher la faire aussi facilement. Et ce que Frédéric ne vous dit pas, c'est qu'elle a aussi, grâce à son titre de Miss Province du Hainaut, eu l'opportunité de se présenter à une élection Miss Européenne qui a eu lieu à Londres, où elle a également remporté un titre, mais ça, elle n'en parle pas. C'est vrai. Je suis partie à l'international grâce à Miss Province du Hainaut. Donc, j'ai participé à l'élection Miss Européenne qui a eu lieu à Londres donc en octobre dernier. Et d'ailleurs, aux côtés d'une moucronoise, donc d'Alison Boucoyde, donc Miss Moucron 2015. On a participé à deux. Et voilà, j'en suis ressortie avec le titre de première dauphine pour Miss Européenne Belgium. D'accord. C'est beau. Très bien. Voilà. Bravo. Tu vois, Phil Cat, avec ta coupe de cheveux, il te reste des chances. Hein. Moi, j'ai il te reste toutes les chances. Hein. Donc voilà, moi, je vous propose, bah, de toute façon, parce que je pense que le comité ne pouvait pas rester très très longtemps avec nous, etc. On va se prendre quelques minutes pour les remercier. Je vous rappelle surtout, alors, donc, c'est la Miss au Pays des Merveilles, donc le 17 septembre. Donc ça va approcher, les loulous, parce que vous nous écoutez, mais regardez vos agendas. Vous pouvez retrouver ça sur la page donc, Facebook, donc Miss, rappelez-moi, vas-y. Miss Province de Hainaut, sur l'événement Miss Province de Hainaut également, et sur les pages de certains comités, donc notamment celui de Miss Moucron, celui de Miss Tournée, les comités adhérents à notre élection. Voilà, absolument, sur la page aussi de Christopher, voilà, qui relaye, et vous l'avez sur la page de 80 à l'heure, on a relayé aussi. Oui. Donc on vous remercie beaucoup, on vous souhaite bonne chance. Moi j'ai toujours un petit dernier mot aussi, bah, c'est les gens qui se sont présentés, c'est sûr que il y a ce moment-là aussi de rendre son écharpe. Le découronnement. Le découronnement, j'ai jamais aimé ce mot, c'est comme ça qu'on l'emploie, mais je trouve que voilà. Donc, la passation de pouvoir. Je trouve ça. Moi, je préfère que ça soit plus adapté, dans. Ouais. Je te passe le roi. Ça a été dégradant, un petit peu comme les soldats qui étaient. Moi, je suis un ancien militaire aussi. C'est que le découronnement, le dégradement, c'est voilà. Oui, mais elles y tiennent, parce que quand on propose de ne pas faire de découronnement, ça ne leur va pas. Ah oui, c'est le terme. C'est le découronnement. Je veux dire, pour moi, ça serait la passation. Voilà, c'est le tout ça. Donc, bon découronnement. Merci. Ça va pas être facile. J'avoue. Voilà, Anissa, merci, merci d'avoir eu ta première fois à l'émission, l'émission 80 à l'heure, ça me ferait très très plaisir. Merci aussi donc à Christopher et Frédéric. Un petit mot de la fin pour Corinne, excuse-moi. Un petit mot de la fin. Un petit mot. Venez, réservez vos places. Il en reste pas énormément, mais réservez. Et moi, j'ai un message personnel aux candidates, s'il y en a qui écoutent. Profitez, vivez l'expérience et à fond. Et bienvenue à Moucron pour le week-end prochain. Voilà. Donc c'était les Miss au Pays des Merveilles avec 20 candidates, si j'ai bien capté. 20 candidates. Voilà, deux qui sont hospitalisées, c'est ça qui aurait été mise. Non, je plaisante. Donc 20. Il y a déjà des crasses. Ouais, c'est ça. Il y en a. Voilà, le jour de l'élection, il restera 14-15, il y aura des bras cassés. Dans les coulisses. Non. J'ai toujours trouvé qu'ils avaient une bonne ambiance entre elles. Oui, parfois, il y a des petits crépages de chignon, mais c'est simplement pour se réarranger les cheveux. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est l'adrénaline. Oui, c'est les femmes. En fait, j'ai privé Frédéric de son micro. Qui défend non parce que un petit mot, c'est vrai que je t'apprécie aussi parce que un petit mot, tu milites, enfin peut-être pas militer, mais tu es quelqu'un qui est très très proche et qui du droit de la femme, voilà, oui. Le droit des femmes et tout ça, et voilà, donc si vous sentez que vous êtes une femme un petit peu esselée, abandonnée dans ce pays, venez et ce voir. Monde de brut, voilà, on peut dire ton nom de famille. Oui, bien sûr. Oui, Frédéric, c'est Wattier, on dit, c'est ça, Wattier, oui. Wattier, et voilà, n'hésitez pas. Et Anissa Hébertisson. À tes souhaits. Vas-y, avant l'accident, c'était ? Non, c'était Anissa Hébertisson. Hébertisson, c'est ça. Ah oui, j'aurais dit très très, mais je ne l'avais pas écrit comme ça. D'accord, voilà. Donc on vous remercie, mesdemoiselles. Hein. Merci à toi. Alors voilà. Juste merci avant que vous ne partiez, je vous demanderai, c'est de tirer des titres du sac à. Ah oui, c'est vrai. Du sac à mix et non pas du sac à miss. On va dire une main innocente. Alors deux titres chacune. Et le principe, comme le rappelle récit, Corinne va aussi tirer deux titres, forcément. Sherlock, le principe, comme le rappelle récit, bien Harry, c'est qu'il faut les chantonner. Il faut les chantonner. Et puis bien sûr, comme c'est des titres. Et si on ne connaît pas. Vous n'étiez pas. Donne-nous le titre. On va essayer. Alors, Torture de Jackson. Canon peut-être. Donc c'est les Jackson, c'est. Torture. C'est ça. Comme ça. C'est lui. Casimir peut-être. Voilà, tu comprends mieux. Alors, Dada Trio de trio. Da, da, da. Da. Une très belle reprise d'ailleurs de Simon Fache. Et de Nestor. Alors si, Simon Fache, si vous connaissez, c'est le pianiste dans Vendredi tout est permis avec Arthur, qui fait un spectacle qui s'appelle Pianistologie, où il reprend des grands standards, donc notamment Da, da, da, mais également MacGyver. Et il arrive à mixer tout ça un peu comme Stéphane le fait avec ses platines. Lui, il fait tout ça au piano. Il l'a fait dernièrement avec un orchestre philharmonique et absolument. Tout ça. C'est génial. Il y a génial. Un prochain spectacle d'ailleurs, Simon. Et là, il se produit souvent. Vous le retrouvez avec l'émission d'Arthur qui va reprendre la rentrée où c'est lui qui s'amuse aussi à s'éclater, à faire des gammes. C'est un très très bon pianiste. Oui. Voilà, j'ai eu la chance avec la troupe Évasion Spectacle. On a eu la chance de faire toute notre musique et chanter. Nous, on est resté trois jours à faire les chœurs et chanter et répéter avec lui dans son studio. Et c'est un pianiste exceptionnel. C'est un mec et super abordable. Voilà. Anissa, il va falloir chanter. Oui. Ça va être difficile, je ne connais pas. Alors, moi, j'ai Léopold Nord et vous, c'est l'amour. Tu... facile. Ah, d'accord. Je ne vois pas. Les Andalous, c'est l'amour. J'ai retenu, s'il vous plaît. Viens, Flip 4, peut-être. Tout à fait. La version rockabilly, non? Ouais, c'est ça, j'y travaille. Ouais. Tu en as la surprise. Un. Non, deux. Ah, oui, le deuxième. C'est le plus simple. Oui, non, je vais quand même laisser ma miss Frédéric le dire, parce que mon anglais n'est pas très parfait. Alors, c'est Get It Over With de Sharon Benson. C'est joliment dit. Voilà. Voilà. Celui-là, ça ne me dit rien du tout. Non. Alors, qui connaît? Celui-là, ce sera la surprise. Non, c'est ça, il y a toujours des redécouvertes. Hein, non, ou des découvertes. Même. Il a plus de 500 titres. Hein. Il y a des... C'est vrai qu'il y a les tubes des années 80, des chansons un peu plus qui sont dans l'obscurantisme. Oui, qui sont tombées dans les oubliettes. Et Corinne, qui n'a pas tiré de titre. Alors, vite. Corinne va tirer un titre. Vite. Deux titres. Et tu vas chanter, Corinne. Et tout cela sous le compte. Contrôle de notre huissier de justice, Maître Canter. Alors, Jacques Icoire. Qui va arriver. Vivre ailleurs. Encore Jacques Icoire. Non, bah c'était ça tout. Oui. Alors, c'est le hasard. Ça. Alors, vivre ailleurs, ça va être comme tout à l'heure, c'était comment? Le vivre ici, c'était le temps de vivre ici. Je t'assure. Le temps de vivre, peut-être. Ouais, non, mieux vivre. Mieux vivre. Non, ça c'est. Je vais regarder. Attends, comment ça s'appelle? Mal de vivre. Ah, mal de vivre. Okay. La vivre ailleurs. Ouais, bah, effectivement, on est dans la thématique. Dans les années 80, ils ne s'embêtaient pas pour les titres. Hein. Non, Sandra, En fait, elle a trouvé son nom un peu dans... Je pense que c'est Hi. Par contre, je ne savais pas... Sandra, je connais. Je me souviens très bien de la plastique de la jeune femme. Mais par contre... On ne chantera pas. Voilà. Mais non, j'écoutais moins ces chansons en fait. Je regardais plus les clips. Oui. Et c'est le pistolet qui s'est fait une fracture de la rétine. C'est ça. Non, donc on va faire une petite pause musicale le temps que Stéphane puisse remettre tout ça dans l'ordre. Se réhydrater. C'est ça, ouais. Et on se retrouve donc tout de suite après ça, donc après Queen et Another One Bite the Dust. Qui est l'ancien hymne de Flipkat pour ses chroniques. Voilà. Non, mais c'est surtout parce que aujourd'hui, on aurait fêté l'anniversaire de Freddie Mercury, qui est né en 1946. Et ensuite, on reviendra après avec les Tears for Fears et Advice for the Young at Heart. Voilà, on vous embrasse, les Miss au Pays des Merveilles. Amusez-vous bien. Donc, le 17 septembre, à partir de 15h30, au Marius Taquet à Moucron. On vous attend nombreux. Allez, c'est parti. Merci. How do you think I'm gonna get along without you and your

Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Et oui, vous êtes toujours dans 80 à l'heure sur RQC 95 FM. On vient d'écouter, donc c'était Advice for the Young at Heart des Tears for Fears, qui était précédé par Queen avec Another One Bites the Dust. Et donc on est beaucoup. Stéphane est en retard. Attends, mais maintenant t'as un micro, hein, tu peux le reprendre. Ouais, mais c'est ça, depuis tout à l'heure, je trouve qu'il. Écoute, il prend ses aises. Que je m'excuse, je suis en retard, mais on est en charmante compagnie. Bah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. Canon, parce que, Canon nous quitte. Canon nous quitte. Donc, oui, Canon peut pas rester plus longtemps, mais normalement, on devrait avoir Harry qui va arriver incessamment sous peu. Ouais, s'il y a de la lumière à son vélo. Ouais, surtout qu'il vient de Douai, donc il doit pédaler vite. Alors, effectivement, oui, on était en charmante compagnie parce qu'on était avec le comité Miss Province de Hainaut qui nous a fait l'honneur de venir ce soir avec Frédéric qui est la Miss actuelle, hein, parce que ça n'a pas encore eu lieu, hein. Ça a lieu donc le 17 à 15h30 au Marius Taquet, la prochaine élection. Et donc elle était accompagnée de Anissa qui est donc sa deuxième dauphine. Donc bah forcément Stéphane a pris du retard parce que monsieur va dire je sais pas si t'as remarqué depuis qu'il est arrivé, c'est Club Med, hein. C'est ça. Et c'est ça. Alors, la vie est déjà là. Il vient une fois par mois, mais en plus il en rame pas une, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Alors il cafouille avec ses. Je suis quasiment prêt. Ouais, on voit quasiment, ça. Quasiment, ouais, ouais. C'est le quasiment en fait qui me fait peur. Je suis quasiment prêt. Alors, et c'est quand même la première fois que dans la même émission on arrive à me tirer au sort de Jackie Quartz. C'est vrai. Et pas le plus connu, donc pas mis au point. Ouais. Là, on va voir Vivre ailleurs. Alors, finalement, il est quand même pas mal connu, Vivre ailleurs. Enfin, Vivre ailleurs, vous allez le reconnaître. Et l'autre, c'était Mal de vivre. Hein. Mal de vivre. Donc, tout tourne autour du mal de vivre. Et je précise que le tirage est effectué sous contrôle d'huissier. Hein, ouais, le fameux Maître Canter. Hein, donc, réalisé son trucage. Hein. Et évidemment, Harry qui devrait nous rejoindre, mais. Incessamment sous peu. Sous peu. Mais ça fait une demi-heure qu'il nous dit qu'il est sur la route. C'est ça. C'est ça. Donc, il devrait arriver, je pense que. D'ici la fin du défi mix, j'espère qu'il sera là quand même. Bon, Stéphane, on va faire comme ça, on va se débrouiller. Excuse-moi. C'est quasiment prêt. comment tu le sens, ce tirage-là? On va essayer de faire. C'est quasiment prêt, c'est-à-dire que le premier titre, il est bon. Oui, voilà. Après, c'est les 5 suivants, en fait. C'est presque ça. J'ai encore une petite hésitation sur le premier titre, mais on va démarrer quand même. Ah oui, d'accord. En fait, il a tout le reste, mais il sait pas par quoi il va commencer. C'est ça, presque. Mais on va quand même démarrer avec Jackie Quartz. Et ta platine est branchée, ça va? Normalement, ça devrait être bon. Dans les starting blocks. On essaye ça, alors ça, c'est une version longue. C'est ah ouais, une version en plus. Machine, comme quoi ça existe aussi de version longue de Jackie Quartz avec Vivre ailleurs. Oh oh oh, je voudrais vivre ailleurs. Donc les paroles s'inscrivent en bas de votre poste de radio. C'est ça. Alors on est parti. Allez, c'est parti. We'll be right back. You can't hide, can't hide. Oh, Eh oui, donc vous êtes bien dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. C'est le défi mix de Stéphane, le seul qui arrive à mixer Dadada avec les Jacksons. Et c'est d'ailleurs Fanny qui nous a dit, c'est bien un truc de belge de mixer Dadada avec les Jackson. Alors il faut savoir que DJ Stéphane n'est pas belge. Et bah, d'ailleurs, la réaction était spontanée. Mais, hein. Je ne suis pas belge. À chaque fois qu'il vient ici, il a la frite en tout cas. Ah, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, voilà, la bière belge, donc en fait. Waouh, celui-là il était chaud et j'ai adoré. Franchement, le mix est très très bon. J'avoue, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ces titres-là. Et puis voilà, comme quoi. Comme quoi, la venue des Miss, tu vois, ça a un pouvoir quand même. Ouais. Dis donc, on a un invité. Enfin non, un invité. Oui, je ne sais pas si ça. On peut dire un invité, mais en tout cas. Alors, on a quelqu'un qui est entré dans le studio. Oui. Qui s'est installé. Quelqu'un qui vient d'arriver, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Oh, des lustres, ouais. C'est-à-dire. Par contre, il y a quelqu'un qui nous a quitté et du coup, c'est vrai que c'est curieux, mais on arrive à parler. On arrive à parler. C'est vrai. C'est quand même formidable. Canon, si tu nous entends. Reste là où tu es, c'est très bien. Hein? Voilà. Mais on a Harry qui est arrivé parmi nous. Bonsoir, Harry. Ouais, salut. Hein. alors, ça c'est parce qu'on a oublié de saluer au début d'émission. Tu vois. Non, attention, j'en ai parlé. C'est Canon qui voulait pas en parler, mais j'étais pas au courant. Mais moi, effectivement, j'en ai parlé. T'as parlé de quoi? Bah, que t'étais de toi. Pas là. Ouais, t'as dit quoi? J'ai parlé de toi, j'ai dit qu'il fallait que je voie le couvreur. Ouais, voilà. Ah, d'accord, ok. Bon, excusez-moi, je suis venu, mais bof. Ok. Quand j'ai su qu'il y avait Stéphane, j'ai vu qu'il y avait Miss, je sais pas quoi, là. Du traîneau, là. Bon. Miss Province de Hainaut. Miss Province de Hainaut. Bon, allez, bonsoir à tous, quand même. Ouais, salut, Harry. Écoutez, je vous ai écouté sur toute la route. Et alors, ouais. Putain, on capte bien, ça va. On capte depuis Douai. À partir de pas loin, de très loin. Si, non, franchement, oui. C'est vrai, très loin. Ouais, de côté de. Et bon, de Douai, c'est pas la peine puisque je viens de Douai, donc non. Mais à partir de, un peu plus loin que ce clin, ouais, on commence à bien nous capter. Et ça fait bien plaisir. Et après, dès qu'on arrive du côté de Moucron, on ne capte plus. Hein. Et là, j'ai pas compris. Ça, c'est la magie de la radio. Je comprends rien. Alors, comment ça va, les gars? Mais très bien. Et toi? Ouais, fatigué. Ouais, je me doute. Après longue journée en ce moment. Mais belle rencontre, tiens, ce soir. Ouais. Bon, avec Stéphane, avec Flipkat, avec Sherlock et Véro, évidemment. Hein, mais avec le groupe Trianne que je connaissais pas. Ah oui. Ah ouais. Et ouais, j'ai participé, j'ai assisté à leur balance. Et je les connaissais de nom, mais je ne savais pas ce qu'ils faisaient. La jument de Michao. Peut-être, ouais, certainement. Ouais, J'entends le loup, le renard et la balle. Absolument. Ouais, ça. Mais c'est des chants traditionnels, apparemment, qu'ils reprennent. Et ils sont fort sympathiques, et puis je les ai croisés avant de partir, quoi, tout simplement, et franchement, bien étonné, quoi. Voilà, donc Trianne, je vais m'y intéresser, parce que je connaissais pas. Alors c'est pas tout le temps festif, hein, quand même, parce que pendant les balances, c'était pas très festif, c'était une chanson plutôt douce, mais j'aime bien, il y a du biniou, il y a de la bombarde. Oui. Ah ouais. Non, c'est cool. Et sachez quand même que pour la petite info, si vous avez envie de participer à un concert à moindre frais, c'est-à-dire pour 4 €, pour 4 €, voire même gratuit si vous le souhaitez, puisque moi j'ai des places gratuites. Il y a encore Amir qui va venir se produire jeudi soir. Exact, c'est vrai. Ouais. Donc si vous êtes fan d'Amir, je peux vous avoir des places. Je sais qu'il y a si du Soldat Louis aussi qui doit venir. Il y a Soldat Louis, donc Soldat Louis, ce sera vendredi soir. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion aussi de croiser Soma Riba, hein, de Collectif Métissé. Oui. Ouais, il se la pète pas du tout. alors, carrément pas, mais enfin, il se la pète à mort. Il se la pète un peu, bon, je sais pas, mais tant pis pour c'est lui. Apparemment, il a mis de l'ambiance. Il y aura Philippe Laville samedi soir. Oui. Samedi soir, et après dimanche, je crois que c'est l'orchestre de Stéphane Kubiak. Et il y a eu Franck Michael. Ah, ouais, ça je peux vous le dire, dans les années ça sentait l'urine. il a fait un succès évidemment, alors c'était blindé, je vous raconte pas, c'est des bus qui viennent, on bloque tout, enfin bref, on avait l'impression que c'était Michael Jackson. Mais c'est dingue quoi, le monde qui fait venir c'est leur Michael Jackson. Mais je vous mets au défi de me donner deux titres de Franck Michael, hein. Toutes les femmes sont belles, ouais, toutes les femmes sont belles. Non mais c'est ça qui est dingue, hein. c'est celle-là que tout le monde connaît en fait. Je peux parler en connaissance de cause parce que ma mère adore Frank Nickel. Il y a plus de 10 albums, c'est sûr. Tu pourras lui transmettre mes condoléances. Avec mon beau-frère, on avait fondé un fan club d'ailleurs. C'est vrai ? Non, on avait fait une banderole qu'on avait mis le jour de l'anniversaire de ma mère. Sur le devant de sa maison, fan club Franck Michael. Mais elle l'avait pas vu. C'est très risqué, ça. Alors, ceci dit, au passage, j'ai quand même demandé une interview à Amir. Oui. Donc, à suivre. Pourquoi pas. On verra. Mais ça va se décider sur un tard, hein, puisque comme il passe jeudi soir, ça va être un peu compliqué. Ouais. Mais on verra. Alors, c'est dans quel cadre tout ça ? Douai. Ouais, donc c'est la Foire Expo de Douai. Foire Expo de Douai. Alors, aujourd'hui, cette année, le thème, c'est Cuba. Donc il y a tout un énorme chapiteau qui retrace un peu l'histoire, la musique, tout tourne autour de Cuba. C'est plutôt sympa, avec des Cubaines. Ouais, évidemment. Donc c'est assez sympa. Et après, bon, vous avez la Foire Expo, hein, comme vous avez l'habitude de voir. Ouais. C'est une des plus grandes de la région, je ne le savais pas d'ailleurs. Elle égale celle de Lille. Il y a plus de 300 exposants. Plus de 300 exposants. Et puis ça couvre tout l'espace foire de Gaillan. Et en sachant que ne serait-ce que la salle de concert, c'est la moitié. Oui. Ouais. C'est la moitié de l'espace foire, donc je vous laisse imaginer un peu le truc. Et puis après, le concert se passe dans ce que eux appellent le carré brasserie, qui peut accueillir 2000 personnes assises autour de table. Sacré brasserie quand même. C'est une brasserie. Ouais. Mais par contre, c'est plutôt sympa. Vous pouvez y manger à la fois de la cuisine traditionnelle, cuisine américaine, cuisine orientale, cuisine savoyarde. Enfin, il y a plein de types de menus. Le seul bémol, c'est que c'est pas terrible et c'est cher, quoi. Donc, voilà. Après, vous assistez au concert, mais voilà. Donc bonne ambiance, très bonne ambiance. Et je vous ai écouté. Et alors, incroyable. Et franchement, bien. Incroyable. Par contre, Flip 4, on t'entend pas beaucoup. Oui, mais même quand tu parles. Ah. Pourtant, il m'avait visé de m'éloigner du micro. Ouais. Et j'avais l'impression que la façon dont je m'entendais dans le casque, que j'étais suffisamment. Ah bah là, ça va. On t'entend bien. Là. Mais en même temps. Il y avait Canon. Oui. Alors, Canon, si tu nous écoutes encore. Ouais, et j'ai écouté donc quasiment tes deux mix. Écoute, ça va, c'est la forme aujourd'hui, je trouve. Ouais, fan de Jackie Quartz, apparemment. Un pur hasard quand même. Et comme quoi, quand on tape pas sur la table, ça va mieux. Hein. C'est vrai. Et donc voilà. Content de vous retrouver. Et de ce fait-là, moi, j'ai attendu pour faire. La chronique signée Rétro 80. Ah, ouais, t'as bien fait. Bah oui. Ah, voilà. T'as bien fait, j'allais pas louper ça quand même. Bah non. Ah bah ouais, évidemment. Parce que là, je m'y remets. Cette semaine, ça y est, ça reprend la chronique signée Rétro 80. Et donc bah, c'est parti. Soyons fous. Retour vers le futur. Non, c'est pas ça. Non, le Nouveau, les amis. Partons vite dans la DeLorean et remontons le temps jusqu'en 1990 en France, mais 1989 aux États-Unis. C'est normal que j'ai rien dans le casque. Non. Non, peut-être l'affiche. C'est surtout l'affiche. C'est ça ? C'était Canon qui était là. Ouais. Ah oui, voilà. Elle est comme lui, elle est tordue. Alors, c'est parti. Retour vers le futur, ça me permet de saluer peut-être qu'il nous écoute, Fano, que j'ai croisé vendredi soir sur Moucron. Comment va-t-il, Fano ? Toujours un petit clin d'œil, c'est vrai, quand on parle de retour vers le futur, je pense toujours à la vidéo qu'il nous avait faite pour une de nos premières soirées 80. Ah oui, absolument. Avec l'introduction. Avec Retour vers le futur. Je vous invite à aller la voir, elle est vachement bien, elle est super. Elle est sur YouTube, ouais. je pense, carrément, avec Doc et. Eddie Fool. Non, Doc et Marty. Et Marty McFly qui annonce l'émission 80 heures. C'est très bien fait, le montage est très bien fait, pour l'époque. Voilà, c'était la petite anecdote. D'accord, il faudra retrouver ça alors. Ah ouais, tu cherches, hein, tu tapes sur YouTube, tu tapes. Parce que c'est encore moi qui dois faire le boulot. Delta. Tu cherches sur YouTube. Soirée 80 ou Delta. Ouais. D'accord. Alors, je peux vous dire que le film date du 28 mars 1990 en France. Et 89 aux États-Unis. C'est ça, oui. Il est sorti aux États-Unis le 22 décembre 1989. C'est exactement l'un des 12 derniers films sortis aux États-Unis cette année-là. Ça vous donne pas beaucoup d'indices. Oui, tout à fait. C'est l'un des 12 derniers films sortis aux États-Unis dans l'année 1989. Ça, c'est bien comme indice, moi, je trouve. Ouais, c'est clair. Voilà. Tu vois. Il y a un générique à la fin, non ? Oui. Ah, vous voyez, je vous mets sur la piste. que je n'ai pas mis, mais c'est D'accord. pas grave. Alors, le film est d'Andrei Konchalovsky. Parce qu'on l'a écouté tout à l'heure, celui-ci. Alors, et la musique est de Harold Faltermeyer. Bien sûr. C'est ça, hein? Waouh! Il est pas mal en beatbox. Ouais, ouais, attention. Non, c'est du scratch, ça, c'est pas du beat. Ouais, c'est du scratch. Ouais. Tiens donc. Alors, qui vient de... Non, non, mais justement, ça me rappelle quelque chose de ce qui vient de... Ça figure au générique du film, donc... Pas du tout. Pas du tout, ah bon. Parce que je partais sur une fausse piste, déjà. Ah oui, je parlais non, parce que tu pensais à un black, toi. Ce qu'on connaît d'Harold Faltermeyer, c'est plus... Alors, j'ai Anne qui me dit à l'instant, il est en forme, Harry. En forme de quoi? C'est vrai que... Ben, ah, ça, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, là, ton... Ah oui, ta prestation, ouais. Ouais. On va l'appeler Beatbox Harry. Ah bah dis donc. Dédiqué alors. Parmi nous ce soir. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors bon, le film a fait 896 276 entrées au box-office français. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pour l'époque, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et je vais vous passer donc le premier extrait. C'est un extrait de dialogue. Écoutez bien, c'est celui-ci. Salut capitaine. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je laisse les locaux faire leur boulot. Tu as brisé le pare-brise de ce camion? J'ai remarqué. Il y a deux gars qui gisent sur la route. J'ai remarqué. C'est une route départementale qui ne dépend pas de notre juridiction. C'est vrai? Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des rumeurs au sujet de ce camion. Des rumeurs? De quel genre? C'est pas un camion. C'est un camion citerne. Non, c'est un viol manifeste de la loi. Vous avez vérifié la première cuve? Elle est pleine d'essence. On a vérifié tout le camion grand con et il n'y a rien dedans. Et cette zone ne dépend pas de votre secteur, les gars de la ville. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein? Il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une pédale. Ouais. Alors déjà, c'est Gérard Darbois à la voix française. Ils sont deux. Il y a un rapport avec une danse. Ouais, mais donne pas plein d'analyse comme ça, non? Bah, Gérard Darbois, forcément. Oui. Mais après, allez, moi j'ai un indice. C'est Richard Darbois. C'est Richard Darbois. Ouais. Richard. Est-ce que c'est un rapport avec une danse argentine? Oui. Eh ben voilà, j'ai gagné, j'ai trouvé. Ah ouais, mais forcément, mais je le savais, je m'en doutais. Bah oui, évidemment, mais en plus... Mais c'est pour ça que je t'ai attendu aussi pour faire la chronique. Ouais, tu mets la phrase emblématique du film, quoi, forcément. Bah, il n'y a pas que celle-là, mais non, effectivement, il y avait celle-ci. Question de... Le titre est en deux mots. Trois mots. Trois, on va dire, ouais, ok. Et question de pognon aussi. C'est ça. Oui. Oui, effectivement. Donc il y en a deux qui l'ont trouvé. Ouais. Alors Stéphane et Véro, vous pouvez continuer à chercher. C'est un rapport avec Converter. Merde. Hey. Non, pas trop vite. Et là, dans les titres de les titres qui figurent dans le film, je tiens à dire, il y a pas de Johnny. C'est bon. Non, il y a pas de Johnny. Qui figure dans le titre, mais qui. Hein. Ouais, non. Est-ce que ça a rapport avec une bière et de la grenadine? Il voudrait pourrir ta chronique. C'est ça. Mais non. Mais on n'a pas donné la réponse. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que s'il voulait pourrir ma chronique, il ferait pas mieux. Ami auditeur, lâchez-vous sur Facebook. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Je vais vous donner quelques noms d'acteurs du film et peut-être que ça vous mettra sur la route, sur la voie. Lewis Arquette, Kristen Dalton. C'est un rapport avec Patricia ou pas? Je ne pense pas. Geoffrey Lewis, Edward Bunker, James Hong, Brian James, Jack Palance, Terry Hatcher. Alors Terry Hatcher, on la connaît plus pour Superman, par exemple, ou Desperate Housewives. Ouais. Pas dégueu. C'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, je vais vous passer le deuxième extrait. Dormir dans la baignoire. Hein, Écoutez bien, c'est une chanson, c'est celle-ci. Flip 4, ça va peut-être plus te parler. Ouais. Alors, donc ça c'est Alice Cooper. Alice Cooper. Oui, bien Harry. Heureusement que tu écoutes. Heureusement que tu écoutes. Ouais. Donc c'est Alice Cooper avec Poison. J'adore ce morceau. Ah ouais. Il est très très bon. Alice Cooper qui a sorti un album d'ailleurs. Un peu. Il n'en a pas sorti qu'un. Non, non, mais elle a ressorti un album. Ah oui, ouais, d'accord. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Plein de douceur, cette chanson, je trouve. Ouais. Oui. C'est vrai. Une belle chanson. Alors, je vais passer tout de suite avec le troisième extrait. C'est, on va dire, c'est la rencontre des deux acolytes. Putain, acolyte. Qu'est-ce que tu fous ici? T'as failli te faire tuer, mon pote. Ah bon? Moi, je dirais plutôt que c'est l'inverse. Je vois pas ce que tu veux dire. J'appuie sur la détente et ta gorge va s'accrocher au mur derrière. Maman, t'appuies sur la détente et je te fais exploser en deux. T'imagines le tableau? Là, mon vieux, tu te gourres vachement. Ouais. Tu me toucheras jamais avec ce flingue. Pas avec celui-ci. Avec celui-là. Tu me connais? Ouais, on dit que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles. C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi. Dégage de mon enquête. Ah, parce que c'est ton enquête? Je suis dessus plutôt à moi, ça en fait mon enquête. Oh, bah alors ça prouve que t'es stupide, parce que moi, je suis dessus depuis une demi-heure et on en est au même point. Tire-toi de mon enquête. Jolie cravate. Alors moi j'ai un autre indice. Oui. Il y en a un qui court après la fille de l'autre. Pas la fille, la sœur. La sœur, la sœur. La sœur de l'autre, effectivement. Ouais. Et ils vont se retrouver dans une posture un peu difficile, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver tous les deux en prison. Alors qu'à la base, ce sont deux policiers. Et oui. Pourquoi? Je vous l'expliquerai juste après. Maintenant, je vais vous l'expliquer maintenant, en fait. Ouais, tout donc c'est deux, ouais. Ces deux policiers, en fait, qui se disputent le titre de meilleur flic de Los Angeles, qui sont les victimes d'un complot monté par un baron de la drogue et du trafic d'armes, qui se débrouille pour les faire enfermer ensemble dans la plus dangereuse prison de l'État de Californie, remplie des pires brutes qu'ils ont eux-mêmes arrêtées. Alors, je vais pas donner leur nom respectif. Mais les brutes, tu peux. Mais il y en a un qui est... bah non, pas les brutes... Il y en a un qui est plus instinctif, l'autre est plus cérébral, et ils doivent oublier leur rivalité afin de laver leur honneur. Ils doivent s'évader de prison, prouver leur innocence et mettre hors d'état de nuire le trafiquant et son organisation criminelle. Mmh. Et on va enchaîner tout de suite avec le quatrième extrait. C'est une chanson qu'on connaît très bien, nous, fans des années 80. Reconnu Alison Moyet. Oui, mais avec le groupe Yazoo. Bien, Yazoo, avec Don't Go. Ouais. Et donc, je vais vous passer le dernier extrait, moi, qui m'a fait sourire quand je l'ai vu, c'est celui-ci. Et j'ai... C'est un extrait de dialogue. On a un auditeur qui a trouvé. Hein. D'accord. Un auditeur, un pote à moi qui a trouvé, qui vient de me donner la réponse. D'accord, ok. Je vais confirmer, mais je la donne pas encore. Non. Allez, on écoute donc le dernier extrait, c'est celui-ci. Doucement, petit. Allez, viens. J'attendais ta visite. Oh, la honte! Tu sais pas que la queue de cheval, c'est plus du tout à la main. Comment ça va, Cash? Oh, ça va un peu mieux depuis une seconde. Il y a une fête sur le toit. Je peux inviter mon ami Gueule de Con? Bien sûr, il n'y a pas de fête sans Gueule de Con. Non, ce passage est très drôle. Merci. Comment ça va, requin? Quelle belle vue, hein? Et maintenant, ma poupée qui tire les ficelles? Va te faire foutre! Je m'en tape du plan A! J'adore ça! La vue est super d'ici! Qu'est-ce qu'il a dit? Le plan A est foireux! Voilà. Donc, maintenant, on peut peut-être donner la réponse. Donc, alors, cache comme ça, là, bah, tu donnes la réponse. Il est direct, lui, comme ça. Ouais. J'ai un ami qui nous écoute de Bizet. Ouais. Ludovic, hein, je te salue. Du Bizet. Oui. Divisé, oui, effectivement, et qui a trouvé donc la réponse, puisque c'est Tango et Cash. Effectivement, et voilà. Tango et Cash, donc avec Sylvester Stallone et Kurt Russell dans les rôles principaux, donc de Ray Tango pour Stallone et Gabriel Cash pour Kurt Russell. Ah ouais, d'accord. Et ouais. Enfin, des prénoms, je ne sais pas si on les entend une seule fois dans le... Si, alors ah, on les entend, ouais, justement. D'accord. Alors il faut savoir par contre que... alors ça, je l'ai pas mis dans les anecdotes, mais je vais vous le dire, c'est que Gabriel Cash, donc, qui est joué par Kurt Russell, dit assez souvent Ray, il appelle souvent par son prénom. Ouais. Par contre, à aucun moment dans le film, Stallone, qui joue le rôle de Ray Tango, ne dit Gabriel. Il l'appelle jamais par son prénom, il l'appelle toujours Cash. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est... T'as dû compter le nombre de fois dans le film enfin... Non, c'est parce que je suis tombé sur l'anecdote moi-même. Mais effectivement, je suis tombé sur l'anecdote avant de regarder le film, donc effectivement, je me suis concentré un petit peu là-dessus. À chaque fois qu'ils disaient leur nom, j'essayais de voir si effectivement ils disaient les prénoms. D'accord. Mais à savoir, et ça, c'est un truc que j'ai remarqué depuis longtemps, tu regardes dans les films américains. Même dans les doublages français, ils s'appellent souvent par leur nom. Comme Mulder et Scully. C'est ça. Alors qu'ils ont un prénom. Ouais. Et je pense que c'est dans la tradition américaine d'appeler les gens par leur nom de famille, quoi, non pas leur prénom. Je te jure. Mais je pense, je pense que c'est dans la tradition, mais dans les dernières séries comme Castle, Mentalist aussi, ils font ça. Si je te fais chier, tu le dis, Harry. Parce que je t'entends, tu sais, dans le micro, le micro continue de tourner hein, pendant que je parle. Mais n'importe quoi, je t'écoute. Oui. Donc, tu disais qu'effectivement, c'est Tango et Cash. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça que je disais. Mais c'est pas grave. Alors. Je sais pas ce qui leur arrive, hein, tout à coup. Alors donc, toi qui es fan de Stallone, oui, et des films de Stallone, ouais, beaucoup, c'est... pas tous, hein, mais beaucoup. Ouais. Et celui-ci, est-ce que tu l'aimes comme film? Tango et Cash, ouais. Bah, c'est une comédie, c'est un peu, ça me rappelle un peu les duos entre Danny DeVito et Schwarzenegger. Alors voilà, c'est un buddy cop movie, ce qu'on appelle un quoi? Un buddy cop movie, c'est un film de flic. Qui sont amis un peu rivaux, un peu comme L'Arme Fatale. D'accord. C'est un buddy cop movie. Ouais, sauf que c'est pas. Buddy, ouais, c'est une copain, comédie c'est aussi, ça, L'Arme Fatale. Ouais. Si, c'est action comédie en fait. Ouais, d'accord. Ça mélange les genres. Alors, sais-tu qui était pressenti pour jouer le rôle à la place de Kurt Russell, le rôle de Cash? Un mec qui lui ressemble? Oui. Ouais. À peu près la même coupe Jeff de cheveux. Jeff Bridges? Non. Alors attends, Val Kilmer. Non. Qui a fait un film également action à peu près à la même période. Écoute, je vois sa tête, mais dansé dans un autre film. Oh, c'est pas Patrick Swayze quand même. Si. Ah ouais, d'accord. C'est Patrick Swayze effectivement. Ouais, ouais. Ah bon. Il était pressenti pour le rôle de Cash, mais le film prend du retard et il préfère donc tourner Roadhouse. Voilà. Ouais, c'est pas plus mal. Qui a fait un meilleur succès que Tango et Cash. Hein. Roadhouse. Oui. Ouais, Roadhouse a fait plus. Je suis pas étonné, ouais. Si. Ah ouais. Il a fait un meilleur succès. Au cinéma. Oui. D'accord. Alors, ce film marque également les débuts donc de Terry Hatcher, qu'on verra plus tard dans la série Superman, ainsi que dans Desperate Housewives. Kurt Russell avait d'abord été approché pour le rôle de Martin Riggs dans L'Arme Fatale, ah bah en 87, ouais. Mais il l'a refusé et il est allé à Mel Gibson, avec qui il travaillera sur Tequila Sunrise en 88. Oui. Et son personnage de Tango et Cash est lâchement basé sur Martin Riggs dans L'Arme Fatale. Mmh. C'est repris un petit peu comme étant un peu le chien fou, tu vois, de du film. Enfin, le côté suicidaire, on l'a pas dans Tango et Cash, quand même. Hein, mais plus le chien fou, en fait. Parce que Tango, qui est joué par Stallone, est plus posé, pour une fois. Il fait vraiment le rôle du cérébral qui calcule un peu tout, mm-hmm. Alors que lui, il est vraiment dans l'action. Il part à l'action plutôt que de réfléchir. Ah, d'accord, ok. Alors, le tournage a été mouvementé. En plus d'avoir un script non finalisé, Sylvester Stallone fait renvoyer le directeur de la photographie, Barry Sonnenfeld. Ouais. Donc, c'était pas n'importe qui non plus. C'est celui qui a réalisé les films de la famille Adams ou les Men in Black. Ah ouais, d'accord. Il est remplacé par Donald Thurin, que Stallone avait croisé sur le tournage de Haute Sécurité, donc la même année. De plus, le producteur John Peters renvoie le réalisateur André Konchalovsky, donc qui a réalisé le film. Après 3 mois de tournage, il sera remplacé par Albert Magnoli, sans être crédité au générique. Donc lui, il a réalisé en gros la plupart du film, mais c'est pas lui qui a été crédité au film, c'est le premier. Ah d'accord. Et donc, dans une autobiographie, André Konchalovsky expliquera son renvoi par sa volonté de donner un ton plus sérieux au film, contrairement à la volonté des producteurs. Lui voulait un film vraiment de flics. D'accord, bah c'est raté. Ben, c'est un film de flic, mais... Oui, oui, mais bon, ben voilà. On est plus sur de la farce, quoi. Enfin, ouais, y a un peu plus d'humour, quand même. Ouais, ouais. Alors, donc, le personnage joué par Stallone fait une allusion ironique à Rambo, donc on l'a entendu tout à l'heure, également interprété par l'acteur. Rambo, c'est une pédale, voilà ce qu'il dit. Ouais. Donc, il dit aussi à son avocat, « Tu es sûr que je ne serai pas en haute sécurité ?» faisant référence à un précédent film. Au film, ouais, haute sécurité. Ouais, enfin là, ouais, ouais, peut-être. Qui n'a pas été un franc succès. Non. CDV encore le film. CDV vidéo. Hey, sérieux, quand j'en ai regardé il y a pas longtemps, quand tu regardes la qualité d'image, franchement c'était autre chose que certains DVD. Ouais. Lock-up. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Lock-up ouais, en anglais. Ouais. Alors, lorsque Tango et Cash s'échappent de la prison, Cash demande, alors je vais vous le dire en anglais et ensuite la traduction à peu près, c'est What did you do? Stop for coffee and Danish? Qui pourrait se traduire par... alors, Tango lui répond, « I hate Danish ». Donc, c'est « Qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'es arrêté pour un café et des pâtisseries danoises. » Ouais. Auquel Stallone répond, « Je déteste les pâtisseries danoises. » C'est une allusion au récent divorce de l'acteur avec l'actrice danoise Brigitte Nielsen. Ah oui. Et par contre, j'ai écouté donc les paroles en français. Les paroles en français ont été modifiées par « Qu'est-ce que t'as fait ?» Une pause café croissant. Et lui, il répond, « J'ai horreur des croissants. » Voilà, donc il n'y a plus rien à voir avec les pâtisseries danoises. Donc ça veut dire que Rocky IV, c'est avant ça, alors Oui, je pense. Ouais, ça devait être en 88, il me semble. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Non, c'est pas forcément vrai. J'ai dit, il me semble. Non, non, mais j'étais en train de te brosser la manche, t'as pas compris. Ah, d'accord. Alors, dans ce film, Sylvester Stallone est doublé par Richard Darbois, comme tu l'as, si élégamment dit tout à l'heure. Et non pas Gérard, oui. Et non par Alain Dorval. Parce qu'il y avait aussi Alain Dorval, qui ont à peu près le même timbre de voix. Et Alain Dorval qui reprend après, c'est Alain Dorval qui le double. Parce que Darbois en fait fait souvent la voix d'Harrison Ford. C'est ça. Plus Harrison Ford. Alors, ce changement s'explique par le fait que Dorval avait critiqué le milieu du doublage et des conditions qui se dégradaient à la fin des années 80. Certains patrons de boîtes de doublage l'ont mis sur une liste noire, ce qui conduira d'ailleurs Michel Vignier à doubler Stallone sur Haute Sécurité. Ah ouais, c'est troublant même d'ailleurs. Ouais, et donc cependant, Darbois n'aura finalement que 7 autres occasions de doubler Stallone, majoritairement les films produits par Warner Bros. Donc tout ce qui est Rocky et Rambo en fait. Non, les Rocky c'est Alain Dorval. Ah ouais. Ouais. C'est dingue parce qu'ils ont vraiment la même voix. Ouais, ils ont une voix qui se ressemble un peu. Ouais, ouais, ouais. Et donc par ailleurs, dans la bande-annonce doublée en français, Sylvester Stallone est doublé par Jacques Frantz, doubleur régulier de Mel Gibson et Robert De Niro. Ah ouais. Donc c'est vraiment un mix de plein de trucs là. Bien sûr. Et enfin donc la scène où Tango, donc Sylvester Stallone, fait face à un camion roulant sur une nationale, donc c'est au début du film, a été emprunté à Police Story, où Jackie Chan, ami de Stallone, a effectué la cascade. Ah oui. Je me rappelle de Police Story. Ouais. Ouais. Et donc alors ça c'était vraiment le film un peu bébête. Hein, oui, c'est film hongkongais. Hein. Ils ont beaucoup moins de budget aussi que les Américains. Ouais. Mais voilà, cette scène a été reprise de ce film-là en fait. D'accord. Comme Jackie Chan est ami de Stallone, en fait, il lui a demandé de reprendre la scène. Bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on en apprend ce soir chose. Pas dire. Eh bien, Stéphane, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est de la chronique riche. Hein. Et ça se faisait un petit tirage. On va se faire un petit tirage. Allez, le dernier tirage. Je vois qui commence à. Moi, j'en tire deux. À tourner de l'œil, là. Ah, dis donc, il fait chaud. Plaisir, c'est impressionnant. Ouais. Le pire, c'est qu'on ne peut pas dire vivement l'hiver, parce qu'il fait aussi chaud. Moi, mon hiver, c'est la bière aussi, ça aide. C'est la bière. Quelle bière ? On va demander à Stéphane aussi de tirer au sort. Allez, on va tirer. Et puis Sherlock qui n'a pas tiré, oui. Depuis longtemps. Oui. Ça rêve, un vieux rêve. Ça fait partie des fantasmes. Hein. J'ai une bonne blague que j'ai entendue, tiens. Ah oui, tiens, vas-y. Ouais, alors c'est un mec, alors il rencontre une nana, puis il veut vraiment se la faire, quoi. Ah ouais. Mais vraiment se la faire, il a envie de coucher avec. Ouais. Et donc, il fait tout pour l'amadouer, tout ce que tu veux, puis il l'invite à boire un verre et tout ça, et puis dans sa tête, ça lui traîne tout le temps dans la tête en disant « Celle-là, je vais me la faire ce soir, je vais me retrouver au lit avec elle », et puis alors du coup, il décide après de l'inviter au resto. Puis elle arrive au resto, et puis au resto, elle dit « je vais vous prendre un poulet, s'il vous plaît, avec des frites, et puis ensuite un saumon avec du riz, et puis je vais vous prendre aussi une tranche de foie gras, et puis elle arrête pas, la meuf, quoi. Mais le mec, il dit, bon, bah tant pis, il rechigne pas à la dépense. Il dit, soir, je vais me la faire. Il dit, mais terrible, quoi. Et puis, elle continue. Et puis, elle dit, ah, puis je vais prendre aussi un hamburger. Et puis, je vais aussi prendre. Oh, le mec, il bloque, quoi. Arrive le dessert, mais il s'en fout. Il dit, ce soir, je vais la ken, mais laisse tomber, quoi. Je vais la ken. Ou alors je vais prendre un banana split, après je prendrai un morceau de tarte, et puis une petite mousse au chocolat et tout. Alors le mec il bloque, quoi, il dit c'est pas possible quoi. Puis il lui demande, il finit par lui demander, mais il dit mais attends, tu manges toujours comme ça, autant Et puis la meuf lui dit, non non, juste que quand j'ai mes règles. J'en ai une bonne que je voulais raconter la fois dernière avec les deux prêtres si tu veux. Ah non, non. Non, que t'as pas voulu que je raconte. Alors bon. Alors, qui commence ? Non, par contre, j'en ai une bonne, assez marrante. C'est Mouloud qui veut aller à Londres, parce que ses collègues de travail sont revenus d'un week-end à Londres. Ouais. Et il dit toujours qu'ils s'éclatent et tout, ils sortent dans les boîtes, les pubs et tout. Et Mouloud, bon, à part ses collègues de boulot, il n'y a pas de potes. Bon, tant pis, hein, il prend le ferry, il va tout seul à Londres. Il arrive au soir, il rentre dans un pub, et problème, Mouloud ne parle pas l'anglais, quoi. Hein. Et puis à côté, il y a une superbe belette, hein, limite bimbo, quoi. Et puis il regarde, sourire. Hein, et tout, et lui, ça y est, c'est déjà tiqué, puis il veut lui offrir un verre, alors il sait pas trop bien parler anglais, il fait signe you, et puis dernière dire boire, quoi. Et la jeune anglaise fait oh, yes, please. Et puis, donc il lui paye un verre, il se prend une bière et tout, il trinque, hein, tout ce qu'il sait dire, cheers. Puis toujours même problème, hein, Mouloud sait pas parler un mot d'anglais, il a bien emmerdé, pas de conversation. La gonzesse, elle lève les yeux en l'air, évidemment, elle se fait un peu chier, elle boit son verre, hein, un long drink. Et puis, il y a un moment, Lee dit, il faut que j'attaque, quoi. Donc, toujours problème, il sait pas parler. Alors, Mouloud essaie de s'expliquer. Il regarde la jeune anglaise et lui fait, you and me, d'un air de dire, on va marcher tous les deux, walk together. Et elle le regarde et puis elle lui fait, oh, never. Et lui répond, ah, d'accord, demain, never, never and me. D'accord. Ok. Bon, bah sur alors, ces bonnes paroles, Harry, vas-y, tu peux nous dire tes deux titres. Ouais, alors celle-là, j'adore The Corgis, avec Everybody's Got to Learn Sometime. Attention. C'est années 80, ça. Oui. Hein? Ouais, bien sûr. Moi, alors, je pensais que c'était fin 70. Ça, alors, je sais pas si ça a inspiré Richard Sanderson ou si ça a été l'inverse. Enfin, puisqu'à l'époque. C'est vrai. Ouais. Non, mais il y a un rapport entre Richard Sanderson et The Corgis. Alors, je sais plus lequel, mais je sais que. Voilà. Bref. Ah bah tiens, dédicace à Véro, donc Jean-Jacques Goldman avec Elle a fait un bébé toute seule. Allez, donc ça donne. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait. Harry, the human beatbox. Allez, je vais te faire le défi mix à la bouche. Ah ouais, c'est bon ça. Et moi, je suis dans les titres français aussi. Ça va être tirage au sort français, francophone. Ah bien, c'est quoi alors pour ton. Avec. Alors, j'ai Mikado, Naufrage en hiver. Alors là. Difficile, voilà, là, ça va. Ouais. Mm-hmm. Ouais, je suis sûr que c'est connu. Ouais, ouais, mais difficile de. Tu pourrais le chantonner ? Non. Non, ça va être très difficile. Non, j'ai quelque chose de plus facile et c'est Arnold Turboost avec Adélaïde. Ah, Adélaïde, ouais. Vous êtes belle. Arnold Turboost qu'on confond souvent avec Étienne Dao. Avec Dao, ouais. Absolument. Ouais, parce qu'il a une voix assez similaire. Arnold Turboost avec Zabou. Oui. Ouais, absolument. Exact. Et qu'on confond aussi avec Alain Turban. Non, c'est vrai, hein. Ouais, il y a par beaucoup rapport de gens au nom, ouais. Au concert d'Alain Turban, pensant que c'était lui qui chantait Adélaïde. Ah ouais, d'accord, ouais, mais par rapport au nom, ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, effectivement, ouais. Alors, Sherlock. Oui, alors moi j'ai U2 avec Pride, In the Name of Love. Ah ouais. In the name of love, in the name of love. Ouais, il y a un peu de yaourt dedans. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci Danone. Et ensuite, il y a Cool and the Gang avec... Ouh la la la, tudu, tudu. Let's go dancing. Ouh la la la, tudu, tudu. Let's go dancing. Ça c'est bon ça. Ouais. Mais par contre, ça sera peut-être un peu moins ça bon être, pour Stéphane. Ça quoi. Va être plus folklore que les deux précédents, peut-être. Ouais, hein. Enfin, je pense. Quoi ouais. Qu'on verra. Hein, ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Eh bien, on se fait une petite coupure musicale avant de retrouver oui. Stéphane. Alors, Yazoo, s'il te plaît, Dongo. Oui, bah Yazoo, y a pas de problème. Ah, si c'est possible. Alors, j'allais mettre un Cool and the Gang, mais comme il va y en avoir un, je vais mettre autre chose. Ouais. Je vais mettre du Imagination, tiens. Ah ouais. Avec Music and Lights. Doom, doom. Alors, attends, faut que je retrouve, par contre, j'ai tellement de titres maintenant que c'est... Ah non, ça c'est Body Talk, c'est ça, hein. Allez, Music and Life. Il est parti, il est beatbox. Allez, donc Imagination avec Music and Light, c'est Yazoo avec Don't Go, c'est parti. C'est parti. Music and lights, I sing and dance for you all night. êtes sur Radio RQC, c'est Sabine Paturel et vous allez écouter mon nouveau single « Je me fous de tout ». Attention, attention, ça va danser. Je me fous de tout et je fous tout en l'air. Je donne des coups, la pantoufle de verre. Vous n'empêcherez pas de croire quand même qu'il y a un petit terme, il y a un Mylène Farmer là, tout ça. C'est vrai, dans ce moment, ouais, avec un morceau comme ça, oui. Ouais. À l'époque des débuts de Mylène Farmer. Ouais, ou même les plus. Bon, je dirais même les, plutôt les derniers morceaux qu'elle a fait à tendance dance, là, plutôt électro. On est dans ce style-là, un peu, ouais. C'est... Alors, Sabine Paturel qui est en train de préparer un single, quand même, avec Jean-Pierre Morgan, avec. Ils sont plusieurs, là, j'ai vu. Mais j'en sais pas plus. Mais apparemment, j'ai vu passer le message où ils font un. Ok, bah faudrait essayer de se renseigner, tiens. Bah ouais, ouais, carrément, carrément. Ça y est. Ça va, c'est 80 à l'heure, c'est 22h22, non, c'est ça. C'est... J'ai écouté les grosses têtes et je suis tombé sur un gars, je sais pas d'où il sort. Ouais. Il est en train de nous faire du mal, ce mec, il s'appelle Jean-Phi. Ah oui, oui. Ah oui, père oui. Comme chaud Oui, et puis je suis APD. La totale quoi. Enfin, je veux dire, bon, ils sont homo, c'est pas le problème, mais il parle. Mais alors, genre voilà, je sais pas, il fait passer les gens du Nord. Ouais. Il est pas marrant. Des bourses. Gars. Il est pas marrant, je sais pas si. Bah, disons que j'ai l'impression qu'il veut des fois peut-être faire du Danny Boone, mais avec un accent ouais, très prononcé. C'est dégueu, ah, c'est quoi, c'est un humoriste ouais, oui. Alors, c'est un ancien. Ah, d'accord. Un ancien Stewart, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Jean-Phi Janssen, il s'appelle. Jean-Phi Janssen, ouais. Et il est rentré dans les grosses têtes depuis, je sais pas. Ça fait, ouais, je crois depuis que un mois, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai dit, pas d'accord. Ça fait, mais alors, il part comme chaud, et puis j'en fais rire tout le monde. Enfin, ça fait. Je crois qu'il rit à tout, dans les grosses têtes, en fait, finalement. N'importe quelle connerie. Écoutez, des fois, les grosses têtes, c'est vrai que des fois, vous entendez des trucs, c'est vraiment pas marrant. Ils sont tous en train de s'esclaffer. Le super. Je crois qu'ils sont payés pour rire, quoi. Ah, c'est, bah, c'est un peu ça. Hein. Mais, mais nous, on rit sur des trucs parce que c'est marrant. Mais Jean-Phi Janssen, écoutez-le. Mais aussi. Cela dit, dans les anciens, il y, y en a qui ont une bonne répartie. Ouais, Marie, non, bien sûr. Non, évidemment. Celui qui écrit les textes pour Gérard, là. Péroni. Péroni, ouais. J'aime bien, c'est leur spontanéité, leur tac au tac. Oui, ça, je suis d'accord. Il y a des moments, je me demande. Ça m'étonne pas que d'ailleurs Péroni a écrit, encore peut-être maintenant, hein, Pour pas Gérard. Mal de skate pour Gérard, oui. Moi, celui que j'adore, c'est Mabille. Oui. Alors lui, j'adore. Pourtant, Mabille. C'est un vieux de la vieille, lui. Hein. Ah ouais, carrément. Et... Mais j'ai regardé, hein, j'ai vu un court extrait de ces spectacles là, qu'il fait depuis quelque temps. Là. C'est quelqu'un qui a su se remettre en cause et au goût du jour. Ah, mais c'est. Un petit peu comme Roland McDan. Hein. McDan, ouais, alors, par contre, un qui n'a pas évolué, c'est toujours ces mêmes mimiques, ces sketchs que je trouve maintenant minables parce que c'est pompé sur Jerry Lewis, c'est Michel Leeb. Lui, par contre, ouais, c'est. Mais il tombe plus, si. Je pense pas, non. Il est plus. Ah, il fait encore. Non. Ouais, voilà. Je pense qu'il est plus musique maintenant. Ouais, ben, il est fort axé sur le jazz, là aussi. Ouais, c'est ça. Avec des reprises. Enfin, ouais. Ouais, quand vous Je te rejoins quand même sur le sujet, là. Ouais, et, ouais il a peut-être pas. Et par contre, c'est ça que je voulais dire. C'est par rapport à des gens comme Mabille qui sont. Je sais pas quel âge là. Mabille, il est complètement différent parce que lui, il est dans la même trempe que. Alors. Je sais pas si vous avez déjà été au théâtre des Deux Ânes. Non, pas encore. Parce qu'il y a Émilie Charlotte évidemment qui s'y produit tous les soirs. Et donc il y a Mabille, alors il y en a plusieurs qui sont assez connus. Il y a Guy Donny aussi. Et celui Jacques Maillot. Et en fait eux c'est des mecs, ce sont des. Alors je crois qu'on dit des chansonniers. Ouais. En fait, même s'ils chantent pas, hein, mais ce sont des chansonniers. Et en fait, eux ont cette force-là, c'est de, ils font de l'humour, ils ont leur spectacle d'origine, mais ils vont toujours se coller à l'actualité du jour. C'est-à-dire qu'ils vont faire de l'humour, et s'il s'est passé quelque chose dans la journée, ils adaptent tout de suite leur spectacle, ils ont cette force-là. Ils arrivent d'adapter, à répondre sur les... Voilà. Oui, ça c'est vrai. Et ils sont énormes. Mabille, c'est ça, hein, Mabille, d'un spectacle à un autre, c'est pas du tout le même. C'est qu'il va tomber sur de l'actualité, parce qu'il se sera passé quelque chose dans la matinée, le soir, il va faire des allusions. Mais voilà, et c'est ça que j'admire, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui... Comment je pourrais tourner ça? Ça va être méchant ce que je pourrais dire. Il n'y a pas de première fraîcheur en tant que... Je veux dire, c'est, il oui, bien pas sûr, nouveau, c'est quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un qui a de la bouteille, mais... Voilà, et il y a su s'adapter. En plus, hein. Oui. Bah, il ne cache pas. Hein. Non. Oui, non, mais je trouve que ce sont des gens qui s'adaptent merveilleusement bien, parce que quand on regarde ces sketchs, Il y en a qui ont gardé. Je reviens toujours sur Michel Leps. Bon, c'est bon, quoi. Il y a un moment, t'as envie de lui dire casse-toi, quoi. Il est bon. Moi, j'ai pas revu, hein, Michel Leps. Il est pas marrant quand il fait le bourdon. Bah, tous ces sketchs. Ah, il en fait encore. Oui. Bon, ça, c'est bon, on connaît, quoi. C'est Roland McDan, c'est pareil, s'il serait resté sur ses vieux sketchs. Ah, oui, Ah, il en reprend. Il en reprend quand même. Les lettres à sa mère, enfin, les trucs comme oui, ça. Oui. Mais c'est marrant. J'ai encore vu un spectacle. C'était il y a quelques jours encore de Roland McDan qui est passé sur une chaîne de la TNT. Je me suis marré. C'était un spectacle tout récent. Hein. Ouais, il parle encore de Benoît ou pas ? Non, là, il parlait de son grand-père, en fait. Il dit, oui, avec papy, on est parti faire ça. Mais alors, papy, alors, il raconte toutes les conneries de son grand-père. T'es obligé de te marrer quand tu vois comment il tourne les phrases. Ouais. Et puis, c'est physique aussi. Hein. Je pense qu'il a une bouille où il arrive à faire des choses vachement physiques. C'est ça, ouais. Tout ça pour dire en parlant du mec qui fait des bouilles Stéphane, je vais vous faire des choses très physiques encore, je sens. Vas-y. Hein. Avec tes doigts. Tu vas nous faire des choses avec tes doigts. Oui, d'ailleurs, je me demande si... Appelez peut-être les secours, parce que moi, je m'inquiète quand même un peu, là. Qu'est-ce qu'on a fait, les tuyaux? Allez, c'est parti. Non, on va démarrer tranquillement. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. astrologique. Où elle a fait un bébé tout seul. Et elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. La nourrice à la babysitter. Des paquets de couches au biberon de 4 heures. Au petit déjeuner, elle défait son grand lit toute seule. Elle défait son grand lit toute seule. Elle vit comme dans tous ses magazines où le fric et les hommes sont faciles. Où elle défait son grand lit toute seule. Et elle court toute la journée. Elle court. Oh, Boost, Adélaïde. Ah, ça y est, il est parti. On l'arrête plus en fait, Stéphane. Lui. Il faut le débrancher. Mais le truc, c'est que lui, il écoute dans sa platine en fait. Donc, ouais, c'est ça. Lui, il peut continuer pendant deux heures. Nous, on peut faire, finir l'émission. Il n'a même pas capté qu'on était à l'antenne. Non, parce que lui, il continue. On va le laisser. C'est ça, ouais, vas-y. Laissons-le. On bouge un peu la tête comme ça pour. Ouais, comme ça, il va pas comme avant. C'est on ça. Est toujours dans le. Hein voilà. Ouais, en fait, il se sent seul là. Non, parce qu'il s'en rend même pas compte. C'est ça le pire. L'émission mixage. Et il s'applique là pour le mixage. Parce que là, je vais complètement couper le son au niveau de l'antenne. Voilà. Hop. Et lui, par contre, il continue parce qu'il croit qu'il est encore en train de passer à l'antenne. Exactement. Voilà. Et donc, nous, vas-y, on bouge un peu la tête comme ça. Comme ça. Comme ça, il croit quelqu'un. Hop. Vas-y. Ah ouais. Pas voilà. Mal, hein. Ouais, vraiment. Ouais. Faut le dire, quand c'est bien. Si. Ouais, franchement, j'avoue. Bon, non, alors effectivement, c'est bon. tu peux retirer le casque. Vas-y, retire ton casque. Retire ton casque. Ouais. Parce que là, non, mais regarde. Là, en fait, j'ai coupé le son. Ça fait au moins deux minutes qu'on est à l'antenne. Stéphane. Allô, Houston. Non, mais c'est. Ça fait au moins deux minutes qu'on est à l'antenne, en fait. Oui, j'arrive. il est à fond. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est ça, mais en fait, lui, il avait rajouté des titres, en fait, à son mix. Non, pas vrai, non, mais bon, c'est des versions longues, on est en retard, et puis... Non, on est pas en retard. Hey, t'avais l'air en fond dedans. Un petit hein. Peu. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? On peut pas être partout en même temps. Non, c'est juste que ça fait deux minutes que j'ai complètement coupé le son au niveau de l'antenne, et puis je te vois en train de jouer encore. Alors, excusez-moi les gars, j'essaye Facebook Live, mais il y a un décalage. Ah oui, j'entends. Bah oui. Il y a au moins une minute là, non ? Ah ouais, là je comprends pas trop là. C'est comment ça marche là, je suis en train de faire un délire là avec ce truc, je découvre comment ça marche, mais voilà. Ouais, mais c'est pas okay, ouais, possible. Effectivement. Si. Écoute. Il y a fond dedans là, il y a fond dedans. Ouais, t'as au moins une minute là. Ouais, t'as une bonne minute, c'est normal parce que là ça passe par le satellite, ça s'en va en Amérique, ça revient, ça passe par la Belgique. Et là c'est sur un Facebook français. Donc, et les conversations sont filtrées avant d'être balancées. Ouais, ils doivent vérifier les conversations avant de les remettre. Ouais, gars, j'arrête parce que moi, si sort de là, c'est un bordel. C'est un bordel. Si Canon avait été là, il aurait pu me le dire. Alors, c'était un bon petit mix. Ouais, bah j'ai mis les deux premiers. Celui-là, il était très compliqué quand même. Ouais. Bon, faut dire qu'il y avait le deuxième était excellent, moi j'ai trouvé. Beaucoup de titres français, beaucoup de donc de titres à parole, c'est compliqué quand même. Hein. Eh oui, mais c'était sympa. Mais j'aime beaucoup moi Arnold Turbo, j'aime beaucoup ce morceau-là. Ah ouais. Parce qu'il y a Zabou. Je sais pas, mais en tout cas. Ouais. Le dernier moins, tu vois. Ouais. Naufrage en hiver, c'est un peu dépressif, je trouve. Hein. Ouais. Mais bon, il faut terminer. Pour terminer l'émission, c'est... Est-ce qu'un jour, on pourrait s'imaginer que c'est nous qui t'apportions les titres sur clé USB et on décide nous-mêmes... On en a déjà parlé, mais pourquoi pas, Pourquoi pas. Même des génériques de dessins animés... J'aimerais que tu mixes Sylvie Vartan des primes avec, avec du Ringo... Celui-là, il va être terrible. Ah oui, toutes les pires adaptations et les mixer. Un mix là-dessus avec tous les nanars version française. Ah si, ce serait marrant. Ah si, il y a moyen. Ah ouais, t'inquiète, on va essayer de s'arranger pour le mois prochain. Ça peut se faire. Alors, avant de parler des sorties sinon, c'est vrai qu'on n'a pas la bourre et c'est de ma faute quelque part et j'en suis et j'en ai rien à foutre. Rappelons que samedi, c'était effectivement donc l'élection donc de Miss Rondissima. Oui, exact. Et alors attention, qui est devenu Miss Rondissima ? Eh bien, c'est Océane. Océane, très jolie fille. Donc la Benjamine des candidates. C'est la plus jeune, je crois qu'elle avait 18 ans. Enfin, elle a toujours 18 ans d'ailleurs. Ouais, je pense. Ouais, voilà, 18 ans, je pense. Et donc félicitations à Océane qui est devenue donc Miss Rondissima 2017. C'est un joli brin de fille. Et puis, oui. Voilà. Elles avaient tout leur charme. Je m'en serais douté. Bon, en parlant de joli brin, tu vas faire ta sortie cinoche, évidemment. C'était la sortie ciné. Allez, c'est parti, on va pas trop traîner non plus. Allez, c'est parti. Alors, donc, sortie cinoche, donc pour demain, mercredi 6 septembre, pour la Belgique et pour la France. Je vais commencer avec la Belgique. Avec le film Kidnap, j'en avais parlé, il me semble, il y a quelques temps déjà. Alors, je sais pas pourquoi ça ressort. Ou alors c'était déjà sorti au cinéma en France, je sais plus. C'est avec Halle Berry, Lew Temple et Donna Gourier. C'est Halle un Berry, film de Louise Preto. Halle Berry. Ah, Halle Berry. Ouais, okay. Halle Berry. Halle Berry. Donc c'est un film de Louise Prieto. Ça sort en France le 14 en e-cinéma. Alors c'est quoi ça, le e-cinéma? Le e-cinéma, c'est ce que tu trouves en VOD par exemple, ou en DVD, Blu-ray. Ça sort directement en fait. Ah, parce que maintenant tu nous fais aussi les sorties DVD. Bah, c'est parce que là en fait, ça sort en cinéma en Belgique, ouais. Mais ça va sortir en e-cinéma en France. Ah ouais. Donc ouais. Ouais. Alors que je pense que le film aurait toutes ses chances vraiment au cinéma. Ah ouais. Donc ça se passe aux États-Unis, un enfant disparaît toutes les 40 secondes, mais ça n'arrive pas. Enfin, si. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça vous arrive à vous. Moi, ça m'arrange. C'est ce qui arrive à... enfants disparaître toutes les 40 secondes. Et donc, c'est ce qui arrive à Kate McCoy, donc, qui est jouée par Halle Berry, qui n'est pas prête à laisser le sort de son fils entre les mains des autorités. Lorsqu'elle voit le kidnappeur s'échapper, elle se lance dans une course-poursuite effrénée au péril de sa vie. Rien ni personne ne pourra l'empêcher de sauver son fils. Un film d'action, rien qu'à voir la bande-annonce, j'ai envie d'aller le voir. Franchement, ça m'a vraiment donné envie de le voir. Bah, Halle Berry aussi. Oui, aussi, ouais. Mais c'est vrai. Mais franchement, c'est vraiment plein d'action. Il y a du rythme et tout. Et je me demande pourquoi ils ne veulent pas le sortir au ciné en France. Bonne question. Là, franchement, je me pose vraiment la question parce que c'est un film qui aurait vraiment toutes ses chances au cinéma. Surtout que la VOD, il y aura forcément moins de spectateurs. Bah, ouais. Donc là, je comprends pas. Franchement, ouais. Là, je comprends pas. Alors ensuite sort Bonne Pomme. Ah. C'est même pas ça en plus. Oh, j'ai laissé le titre de la semaine dernière et voilà. Ah, t'es en train de faire les sorties de la semaine dernière en fait. C'est ça. Non, mais attends. Non, c'est ça. Ça. Ça. Ouais. It. Ouais. Il est revenu. Enfin. Ah, c'est un remake ou c'est une suite? Non, c'est un remake. D'accord, donc il est pas revenu. C'est un remake, donc bah non, il est pas revenu. Mais ouais. Alors, il était sorti à l'époque sous le nom de Ça au cinéma, et à la télé, c'était Il est revenu. On sait pas pourquoi ils ont changé le nom. D'accord. Mais avec le célèbre Tim Curry. Absolument. Alors, là, donc c'est Ça, c'est un film de Andrés Muschietti avec Bill Skarsgård, Jaden Lieberer et Finn Wolfhard. Ça sort en France le 20 septembre. Donc plusieurs disparitions d'enfants sont signalées dans la petite ville de Derry dans le Maine. Au même moment, une bande d'adolescents doit affronter un clown maléfique et tueur du nom de Pennywise qui sévit depuis des siècles. Ils vont connaître leur plus grande terreur. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, mais... ça paraît plus horreur que dans les années 80. Alors, le problème, c'est que dans les années 80... c'était 90, hein, je pense, quand même, non? Plus que les années 80, je crois. Je sais pas. Bon, peut-être, mais... Enfin, dans les années, quoi. Le seul problème de ce film-là, c'est qu'il était long. Très long. Oui, il était long. Je crois qu'il durait 4 heures, je crois. Si. Ça, durait c'était très long, ouais. Je sais pas. Moi, j'aurais dit plus 2 heures, mais bon... c'était 4 heures. 4 heures, il y avait le fléau. Ou les langoliers ou les choses comme ça, mais non, mais il est parti Canon. Ouais. Mais voilà. Ensuite sort en France maintenant le film Barbara. Donc c'est avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric et Aurore Clément. C'est un film de Mathieu Amalric et ça sort en Belgique le 20 septembre. Donc c'est une actrice qui va jouer Barbara. Le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot. Les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres et par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par Barbara. Vous avez compris quelque chose? Non, du tout. Voilà. Vas-y, alors, vas-y. Alors, je réexplique. Donc, il y a une actrice qui travaille le rôle de Barbara. Ouais, elle le travaille tellement qu'elle se laisse submerger par son rôle. Et pareil, le réalisateur est en train de voir tous des archives de Barbara pour travailler aussi le film. Et il va aussi se laisser submerger par toutes ces archives et par Barbara, en fait. En fait, tu viens de répéter de ce que tu viens de dire, quoi. C'est ça. Mais, c'est super bien vendu, moi, j'adore. Voilà. Et qui joue le rôle de l'Aigle Noir? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. L'Aigle Noir qui était en référence à... Ringo. Ringo. Mais non. C'est quand t'as Aigle Noir. J'allais dire la même chose. Je crois, je crois pas que c'est Aigle Noir. Hein. C'est pas Aigle Noir. Non, qui est Corbeau. Corbeau Noir. C'est, ouais. Corbeau Noir. Non, non. Alors l'Aigle Noir, c'était référence à son père. Ah, bah, évidemment. Bah oui, parce que en fait, Barbara a été attouchée quand elle était jeune. Et l'Aigle Noir, en fait, c'est en référence aux attouchements qu'elle a eus quand elle était jeune. Bah, tu quand t'entends la chanson, alors là, un beau jour ou peut-être une nuit. Si, en fait, mais près d'un lac. Va voir sur internet, c'est ça. Tu m'as mis ton zizi. Salopard. Alors, et donc, je vais finir avec le film Ôtez-moi d'un doute, avec François Damiens, Cécile de France et André Wilms. C'est un film de Karine Tardieu et ça sort également en Belgique demain. C'est Erwan qui est un inébranlable démineur breton. Heureusement qu'il ne dit pas ce mot-là devant Canon. C'est ça. En plus, breton. Oui. Ouais. T'aurais dit à Canon inébranlable breton, il aurait dit, mais si, je suis branlable. Oui, bien sûr. Alors, il perd soudain pied lorsqu'il apprend que son père n'est pas son père. Malgré toute la tendresse qu'il éprouve pour l'homme qui l'a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur, Joseph, un vieil homme des plus attachants pour qui il se prend d'affection. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l'insaisissable Anna, qu'il entreprend de séduire. Mais un jour, quand il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu'Anna n'est rien de moins que sa demi-sœur. Et voilà. Une bombe d'autant plus difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose. Wow. Donc là, il y a des trucs genre Agatha Christie. Mais là, c'est un film plus sérieux dans lequel on va voir François Damiens. Ouais. On l'avait déjà vu dans La famille Bélier, qui était déjà un film un peu plus sérieux, mais il gardait toujours une touche de comique. Là, je pense que c'est vraiment dans le. Il me gêne, moi. Il me gêne, François Damiens. Je sais pas rien, mais il me gêne. Ouais. Je suis pas fan, moi. Moi, je l'aime bien dans ses sketchs, enfin oui. dans ses mais il en a fait caméras trop, cachées. Il en a trop fait, je trouve. Ouais, c'est ça. Il en a trop fait au bout d'un moment. Mais par contre, dans les films, si dans La famille Bélier, je l'ai trouvé pas mauvais. Mais oui. Par contre, il y a des films où j'accroche pas non plus. Dans Rien à déclarer, bon. Ouais. Il a un petit rôle. Hein, oui. Mais Dickeneck, ouais. Non, j'ai pas aimé moi. Ah ça non, pas du tout. Par contre, non, c'est. Bah, c'est spécial. Hein. Ouais. C'est belge. Ouais. C'est spécial. Donc c'était ton dernier film. C'était mon dernier film. Alors Stéphane, je t'irais voir quoi? Eh ben pas grand chose, je ne sais pas. Peut-être. Oui, il n'y a que le dernier là, dont je ne sais plus le nom. Au témoin d'un doute. Avec François Damiens. Pourquoi pas? D'accord. Il y a Cécile de France, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors Harry, tu irais voir? Pff, franchement, il y a. Oh allez, si franchement j'irais voir ça quoi. Ah ça. Tu irais voir quoi? Ça. Ah. D'accord. Non, j'irais voir ça parce que. Ouais, pour voir un peu le gâchis qu'ils ont dû faire avec un remake, je sais pas, j'en sais rien. Parce que j'ai vu la bande-annonce et il y a rien qui m'a surpris, enfin, honnêtement. En même temps, si t'as déjà vu le premier film, ils reprennent la trame du premier film, je pense qu'ils vont reprendre. Et puis, bon, il sera peut-être un peu plus horrifique que le premier, parce que les effets spéciaux, le masque de clown qui change peut-être... Ouais, c'est ça. Qui est un peu plus méchant, mais voilà, quoi. T'as oublié de rappeler que c'était quand même... Un roman qui avait été écrit par Stephen King, évidemment. Exact. Ouais. Et peut-être qu'il fera un caméo. Ah, peut-être. Peut-être, tiens. Peut-être. Exact, peut-être. Un peu comme, oui. Comme Stan Lee dans les Marvel. C'est qui Stan Lee? Stan Lee, c'est le créateur de la plupart des héros Marvel. Depuis tout jeune, alors Non, il a 80 balais, je crois, passé. D'accord. Et il a fait, bah là, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, Les Gardiens de la Galaxie 2, il fait un caméo dedans. Ah ouais? Ouais, il joue le rôle d'un astronaute. Ah d'accord, bah écoute, il faut le connaître. Mais dans quasiment tous les films, les Spider-Man, tu le vois à chaque fois. Je sais pas quel Marvel t'as pu voir, mais dans... Ah, les Gardiens de la Galaxie. Le premier... C'est le seul que je vois. Non, bah, j'ai vu le deuxième aussi. T'as vu le deux? Bah le cosmonaute, en fait, qui parle aux extraterrestres, et tout à la fin du film, qui dit « Attendez, j'ai pas fini mon histoire, c'est lui. Ouais. » Bah, c'est possible, mais voilà. Je me rappelle plus. Alors, Véro. Ouais. Alors moi, le premier film. Kidnap. Oui. C'est vrai? Avec qui? Avec qui tu irais le voir? Avec qui tu irais le voir? Avec toi. Avec moi, tu es sûr que tu veux venir? Tu veux le voir avec moi? On va le voir ensemble si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non. Il se passe des trucs ici. Philippe 4, tu irais voir quoi? Rien du tout. C'est vrai? Je suis pas étonné. Je suis pas étonné. D'accord. Et toi, Sherlock, tu nous conseilles d'aller voir quoi? Ah ouais? Kidnap. Ah ouais. En Belgique, ouais. Hello. Kidnap. D'accord. Mmh. Bah autant le voir en franchement, France puisqu'on veut Ouais, mais enfin, je sais pas quoi. Franchement, Kidnap, il me donne vraiment envie d'aller le voir. Ouais. Et puis ça, ça aussi, un peu pour les mêmes raisons que toi, pour voir un peu ce qu'ils en ont fait. Ouais, voilà. Le remake. C'est surtout par, on va dire, par curiosité plutôt que par vraiment envie de le voir. Absolument, voilà, voilà. Absolument. Eh ben écoutez, on va peut-être rendre l'antenne, hein, parce qu'il va y avoir le sketch là d'ici 5 minutes. Des grosses têtes. Ouais. Même moins de 5 minutes, je pense. Et ouais, donc le temps de remercier évidemment notre ami Stéphache d'être venu ce soir pour donc le Défi Mix 80. Eh bien, malgré le décalage horaire. Ouais, comme quoi. On doit signaler qu'il est revenu en fait dimanche soir de Béthune. Ah. Ouais, c'est exactement ça. Non, attends, on a laissé passer un week-end. Hein. Non, non, il y a eu un week-end entre t'as deux. T'as été chez les consanguins. Ouais, j'ai vu des drôles de types là-bas. Enfin, tu sais, des tatoués, des mecs qui ont un peu les cheveux, tu vois, un peu en l'air, tu vois. Ouais, un petit peu à la wap-wap-wap. Cela dit, tu sois venu au Joffre, il y avait un bon groupe. Et loin des wap-wap-wap et des. Je sais pas, là, quoi. Mais merci, c'est pas toi la dernière fois qui m'a dit que tu connaissais un des ouais, vagabonds, en fait, c'est ça, hein. Pardon? Un des vagabonds. Indirectement, oui, en fait, j'ai... Ouais. Bah, nous aussi, on a déjà rencontré. Oui, Ted Sanders. D'accord, mais là, c'est un autre. C'est un autre. Ah, il connaît un autre des vagabonds, attention. On va peut-être pouvoir réunir le groupe ici. Peut-être. Dédicace à Flip 4 avec Ted Sanders. Peut-être grâce à Flip 4. Les chanteurs et les batteurs dans... Il me semble que c'est le batteur à l'origine. C'est parce que bon, il y a une photo qui me plaisait bien. Il y a le bon goût, Tom. Ça te rend plus intéressant. Enfin bref, je vais pas. Ouais, parce qu'il chantait du King Elvis. C'est ça. Hein. Il chantait du Elvis, il me semble. On a pas la peau. Allez les amis, on se quitte là-dessus sur ces belles paroles. Oui. En tout cas, on remercie Flip 4 pour cette merveilleuse chronique. On remercie Canon de nous avoir quittés. Merci à Canon. Je salue au passage et je regrette de ne pas avoir vu Corinne, Frédéric, Anissa et la plus belle des Miss Christopher. Donc je salue au passage évidemment donc Miss Eno qui aura lieu donc le 17 septembre. Oui, donc, au Marius Taquet. Donc le spectacle. La semaine prochaine à partir de ouverture des portes à 15h et c'est à partir de 16h. Le spectacle Les Miss au pays. Les merveilles. Et non pas, ça glisse au pays des merveilles. Hein. Voilà. Non, ça c'était Francky Vincent. Toutes les infos sur la page Facebook de 80 heures, bien sûr. Oui. Et ça va, cher Doc? Très bien. Tu vas nous balancer quoi? Je sais pas, j'étais en train de regarder, mais ouais, je pense. J'aimerais bien un petit Thierry Pastor, tu vois. Oh. Thierry Pastor. Okay. Thierry Pastor, tu as 2 minutes 30. Sur les musiques noires, ce serait pas mal, ça, non? Ouais. Non? Vous êtes d'accord? Oui. Alors Thierry Pastor sur des musiques noires, c'est parti. Hop. Et ben voilà, on se quitte avec ça. Allez, portez-vous bien. La semaine prochaine, même heure, même antenne. Et la semaine prochaine, donc, on a rendez-vous évidemment avec. Ok. Ah oui. Ok. Tout ça marche. C'est parfait. Allez. Bonne nuit à tous. Voilà la purée. Lâche la purée, vas-y. Yeah. Quand j'ai toutes les nuits